Vous suivez Papa Cassette et désirez m'encourager dans le développement de mes multiples projets? Devenez Patreon! patreon.com/papacassette. Bonsoir à toutes et à tous, copains et copines, et bienvenue à l'épisode 163 de chez Papa Cassette. Les copinots! Yeah! Salut, JF, ça va? Ouais, toi? Oui. On part avec les numéros du Canadien pour le numéro de l'épisode de ce soir. Ouais, d'ailleurs, faut s'excuser pour le dernier. T'avais parlé de Roggy Vachon. C'est Rogatien Vachon, est-ce-tu? Ah, c'est Rogatien Vachon, ben j'y ai pensé quand tu l'as dit, puis j'ai comme... Il me semble que ça... Je vais avoir la cave si c'est pas ça, de dire ça. Mais finalement, c'était ça. C'était Rogatien Vachon, là. Fait qu'on l'a juste échappé les deux. Ben là. Oui, il est quand même un Hall of Famer. C'est quand même un Hall of Famer. Ben, je sais pas s'il est dans le Hall of Fame, ben, mais c'est un grand. Nous autres, on rit de lui, hostie. Oh my God. Mais là, quand on regarde le listing des joueurs qui portent le numéro 1 chez le Canadien, ce ne sont que des gardiens, apparemment. Et puis, j'ai peur qu'on en manque d'ici la fin de l'année. Oui, ben d'ici l'épisode 200. Oui, c'est ça. Là. Là, on peut varier. On va faire l'inverse. On va faire 16 et 3. Alors, numéro 16, on va y aller. Il y a trois légendes. Ouais. Puis on va y aller dans l'ordre. Puis on va y aller avec. On va faire trois semaines, les trois légendes, une après l'autre. Allons-y. On commence avec Toblik. Voilà. That's it. Et pour le numéro 3, il y en a 23. Alors, on va y aller avec Rick Natress. Natress. Qui a joué pour les Canachiens de 1983 à 1985. Donc, c'est un... il a gagné une coupe. Défenseur, tire de la droite. Ah, il est dans le team de 85? Ouais. Un Ontarien. Il jouait pour les Alexa... Amateur Teams, Brentford Alexanders. Les Alexandres de Brentford. Alors, il a joué 536 games pour un grand total de 29 buts, 135 passes, 164 points, moins 4 overall. Un joueur très average. Un gars oubliable. Ben, il est meilleur que toi et puis moi. Ah oh, ouais, ouais, mais on, je prétends pas d'être un joueur de Ligue nationale non plus. Non, exact, exact. Bon, hey, on a un gros spectacle quand même ce soir. Ouais. On salue tout le monde dans le chat. Frank qui est là. Olivier 8888 qui nous dit allô en grosses lettres. En grosses lettres festives, nacho-esque. Ouais. King Nadera dans la place. Et puis, voilà. Collec, joueur, first time chat. Salut. Jim Gendron qui est dans la place. Salut les boys. Et puis, voilà. Ben, ouais. On commence en force avec... on va nommer d'autres personnes. Et puis, on a reçu des beaux cadeaux, Jean-François. Et Oui, j'ai vu sur Discord, on s'est fait dire que quelqu'un nous avait laissé de la malle ou quelque chose. Oui, oui. En fait, moi, j'ai... Puis, bon, le Discord de Papa Cassette lui-même est mort. Mais sur... Alors, il y a Anthony qui a posé de quoi. Ouais. C'est fantôme ici, là. Il n'y a pas tort. Mais sinon, il y a un channel Papa Cassette sur le hub. Sur Discord, ouais. Qui est beaucoup plus actif. Mais j'y vais jamais. Mais bon, des fois... Là, moi, je suis là. Il faut deux mois. Moi, je poste le show, puis après ça, Michael poste la toune sur laquelle on a vibé là, quand c'était entre deux segments. Oui, j'ai fois, vu ça. Ringmaster, ouais. Je pense, puis tout ça. Merci, Michael, pour ça. Puis Kevin nous ramène à l'ordre là, sur des affaires, puis tout le monde... Le classique, là. C'est ça. C'est la routine. C'est la routine. Et puis, c'est ça, on a eu un cadeau. Ouais. On a deux auditeurs qui nous ont donné des cadeaux. Alors, on commence par ceci. On est donc bien gâtés. Oh wow! Ça ici, c'est une grosse boîte de bière. C'est une 12 de canettes de l'Alchimiste, microbrasserie L'Alchimiste. Et puis ça, ça venait avec un Doritos format familial. Et puis, comme moi, je suis arrivé lundi matin, puis la personne est passée pendant le week-end. Ouais, ouais, ouais. Alors c'est Max Geeks 90, Maxime Chartier. Ouais. Et puis qui a mentionné tout ça sur Discord. Ouais, moi ouais. Je l'avais pas vu. Moi j'avais vu, ouais. Fait que juste arrivé lundi matin, il y avait ça avec des post-it. Fait que j'étais comme waouh, c'est donc bien malade. Alors les post-it vont comme suit. Salut Dom et JF, je suis originaire de Joliette. Je veux vous faire ou refaire découvrir l'Alchimiste. Merci pour l'excellent podcast, Max Geeks 90s. À cela, il rajoute « Gâtez-vous au max ». Je ne sais pas si c'est un jeu de mots. C'est branding. Il y a son catchphrase et tout. Là. C'est malade. Fait que là, ben, on ne mange plus de Doritos ici parce qu'on parle tellement. Ouais. Mais on va quand même en ouvrir. Parce que faut prendre le temps. C'est festif. Et... c'est festif. Mais on va pas ouvrir ceux-là. Ah, on va ouvrir. Ah. Oh my God! Ceux-là! Alors, chers amis à la maison, c'est deux autres sacs de Doritos format grand, pas familial. Ouais. Dont un, encore une fois, nacho classique, et l'autre, sizzling cheeseburger. On en avait fait une excellente mention pendant le Garden Party de celle-là, qui goûtait vraiment le cheeseburger. Là. Exactement. Ouais, ouais. Alors ça, c'est l'excellent Stéphane Labelle qui est passé en magasin pour vendre ses jeux, quand même beaucoup de jeux. Puis moi, je gravitais là, autour de la station de rachat. Tu sais, j'avais du shipping, je gossais des surveiller les employés. Ouais, c'est ça. Dans le coin. Je niaisais, là, je disais « Travaillez, mes hosties! » Puis, c'est ça. Puis là, bon, là, je voyais les jeux, tout. Puis là, j'ai dit quelque chose. Là, je me rappelle quoi. Puis là, il a répondu. Puis il a comme dit « Hey, by the way, Dominique, là, j'adore le show. » Ah, cool. Tu sais, puis il avait comme que des bons mots. Puis là, il insistait vraiment pour nous offrir une commandite de Doritos, tu sais. Il dit « Je vais aller au Super C, là. » Le Super C est en bas de la rue, ici. Il dit « Je vais aller acheter des Doritos, quelle sorte que vous voulez. » Là, je dis « Arrête, là, tu sais. » C'est gênant. J'étais gêné, tu sais, c'était tellement... Bon, vous amenez des chips, les gars. Il voulait tellement, tu sais. Il insistait fort. Fait que là, j'ai proposé qu'il aille au dépanneur au coin de la rue, juste à côté. Là, c'est moins loin, ouais, ouais. Le Super C. Fait qu'il a acheté ça. Il est parti, il a racheté ça à même l'argent qu'on lui a donné que pour acheter ses jeux. Donc, du réinvestissement. C'est du réinvestissement. Alors, c'est vraiment très, très, très gentil. Merci beaucoup à Stéphane Labelle puis à Max. Vraiment, c'est super gentil. On mérite pas ça. On mérite pas ça. Tout ça, ces chips-là. Hey, non. C'est une grosse... On mérite la bière, là, mais... Ben, la bière aussi. On va goûter à ça, d'ailleurs, ouais, ouais. Drette, là. Ben, moi, je prendrais une petite blanche, Gia. Ouais. Ce serait bien fin. Fait que pour revenir sur l'alchimiste, en fait, je dois dire que ça fait très très longtemps que j'en ai pas bu vraiment, comme j'achète jamais ça. Ça fait longtemps que ça existe, il me semble, l'alchimiste. Ouais, ouais. Pas dans les premières level Unibrew. Je voulais dire, c'est ça qu'ils ont un resto à l'aéroport, mais c'est Archibald, je me mélange. Ouais, c'est Archibald qui a été racheté par la BAT qui est fucking huge. Ouais, ouais. Ouais, ouais. Mais l'alchimiste sont dans le game depuis super longtemps. Ouais. Fait que, comme le post-it le dit, on va redécouvrir ça. Aucune 2003-2004 que King Nadera dit. Aucune brew, en effet. Apprécié. Bon, ben, santé, c'est-tu. Wouh! On va prendre une gorgée. Ouais. Mais attends que Dom prenne sa gorgée pour faire du temps un peu. J'aurais pu mettre le son de la musique plus fort aussi. Faudrait qu'on boive. Très bonne. Ouais. Très rafraîchissante. Très bien. Jim qui dit dans le chat, c'est sûr que durant mes vacances l'année prochaine, je vous emporte de la bière de mes microbrasseries de chez nous. Ah ben ça, c'est smart. C'est où ça chez vous, Jim? Donc, déjà? Donc, en fait, je le sais, je pourrais aller voir dans Shopify ton profil client. Ouais, vos informations sont publiques. Et... oui, elles sont publiques dans nos affaires. Mais très bonne, merci beaucoup. Ah ben oui, c'est apprécié au bout. On va la boire, on dirait deux, trois shows. Là. Mm. Bécomo qu'on dit dans le chat. Ah oui, Bécomo, hein. Pas une place qu'on va souvent, c'est quand même loin. Ouais, pour elle. Alors, ça nous ferait très plaisir de découvrir ça. Et puis, on va mettre ça, on pourrait quasiment la mettre. Mais il faut libérer le coin collection parce qu'il y aura de la collection aujourd'hui. Absolument. On va quand même mettre la boîte de l'alchimiste ici. Ben oui, ben oui. Ben voilà. Il n'est commandé même pas. Ben non, c'est pas grave, on donne nous autres. On donne, Tu veux-tu cheeseburger ou burger sur le grill ou nature? Ça me dérange pas. Vas-y, à ta guise, là. Bon. Passez au vote! Classique. Oh, allons-y. Puis, tu pourras emmener ceux-là au burger chez vous. Ou on les mangerait. Donc... Ah, là, on dit burger. Tu es là, j'ai les autres. C'est un faux choix. Ouais. Désolé, tout le monde. C'est du faux ici. Tiens, Doritos ici. C'est-tu beau? Je m'en prends une de suite. Eh hey, oui. Les essuie-tout sont pas loin. On a un nouveau rouleau de Cotton Wool. C'est payé à même les Patreons, ça? Ça, c'est payé. Déduit par le budget. À même les profits de Retro MTL, mesdames. Ah! Ils sont cheap. En plus, ça déchire de même, ça me rend fou. Ça, là. Ah! Et voilà. Ça, puis le papier de toilette, quand tu le déchires, puis comme, il te casse en deux. Comme, voyons. Ah, c'est juste des filaments de papier de toilette. C'est la pire crise d'affaires. La pire affaire. Fait que, yeah! Yep. C'est merveilleux. Ben donc, oui. C'était nos remerciements. Sinon. Sinon, en intro, on avait une autre affaire qu'on a parlé avant le show. On pourrait en parler, ouais. Oui. Oui. Ben, on a engagé un nouveau. On a un nouvel employé chez Retro MTL. Roulement c'est très intéressant. Staff, hein? Oui. Roulement, un gros roulement de staff. Puis là. Ça se passe, t'avais parlé d'une affaire tantôt. Ah oui, mais là, tu veux que j'aille chercher? Ben, tu pourrais, là. Oui, ouais, c'est ça, il s'en vient. Il est là-bas, en fait. Je vais en profiter prendre une chip. Ce sera pas long, tout le monde à la maison. Bonsoir, Jean-François Cromp, architecte informatique. Oh, oh mon Dieu! On a engagé un architecte informatique! C'est programmeur, gars à tout faire, gars de vidéo. Ah oui, un gars de vidéo, un gars de... Un jack of all trades, ouais. mais fort, tu sais. Un jack of all trades, c'est comme pas bon. Ben, c'est comme pas bon dans rien. Ben, c'est correct dans tout, mais pas ouais, super. Hein. Mais toi, t'es super dans tout. Ouais, pas dans tout, là, mais je suis au possible. Écoute, fait que oui, Jean-François, ici présent, va agir en tant que consultant pour Retro. Je trouvais que je travaillais pas assez dans la vie, fait que je me suis dit, ben, il va me prendre un deuxième job. Exact. Pour pouvoir payer tes bris de piscine, en fait. Oui. Fait que, bris diverses chez nous, là. Exact, exact. Retro MTL va financer les bris de ta maison avec du petit grévé d'extra. Et mes achats d'Atari. Ça se donne pas, ces Frostbite-là. Faut que quelqu'un paye ça, là. Exact. Allez, on va te faire un rabais là-dessus, là. Mais non, toujours à l'emploi, là, moi, j'ai pas quitté mon emploi actuel. Il y a rien de ça qui change. Ça demeure ma job principale. Mais je vais maintenant agir comme... consultant chez Retro MTL. On va amener ça à un autre niveau. Ah ben man, absolument. Parce que là, on va lancer notre nouveau site web, on l'espère, la semaine prochaine. Mais il y a du fignolage qui n'en finit plus, ma foi. Ouais, ben tout le temps. Et puis oui, et puis on travaille sur des affaires à intégrer dedans, mais que ça se rallonge. Fait qu'on sait pas trop. Fait que je pense qu'on va launcher sans ces affaires-là, mais on va les ajouter plus tard. Mais peut-être qu'on va réussir, je sais pas. Mais c'est définitivement quelque chose que tu peux nous aider avec, je pense. Oui. Et puis, on a beaucoup de travail informatique au niveau un peu de sécurité à faire encore. Et puis, on travaille sur une application de rachat ici pour améliorer les processus à l'interne. Donc, on a beaucoup de projets informatiques, en fait. Beaucoup, beaucoup. Et puis, ça paraît pas ça quand vous venez en magasin ou dans les développements. Tu sais, c'est comme... C'est un peu boring à annoncer, là. Mais c'est qu'on s'active énormément là-dedans, là. Et puis, on fait affaire avec des agences pour certaines choses. Mais là, avec toi, on va être plus réactif, tu sais. Puis, vu que tu vas pouvoir toucher à tout, ben... Tu vas régler des problèmes qui vont nous donner des idées, qui vont nous propulser, qui vont nous envoyer à des places. Puis vous avez déjà tous les trucs en place aussi de base que vous avez besoin. Là, fait qu'il n'y a rien qui presse. Genre, je sais pas, il n'y a pas un rush à produire de quoi ou quelque chose va casser. Ou, c'est, non, ça exact. Va être du développement continu dans le fond, là, un peu. Là. Exact, exact. Ça va être ongoing. Puis, j'ai hâte de voir tout ce qu'on va réussir à accomplir. On peut aller très loin. on fait juste jaser avant le calme, show là, de là, toutes les possibilités. Puis, non, c'est de la belle expertise que tu as, puis qui va hautement nous bénéficier, je pense. Puis, avec Martine et Joe, on est bien excités, là, tu sais. Puis, ça va être ça va être le fun, ouais. Une belle dynamique, tu sais. Puis, nous autres, dans une PME comme ici, tu sais, c'est immédiatement, là, tu sais. Ah, mais je veux dire, un retour sur investissement, mais un retour sur ton travail direct aussi. Tu vois tout de suite l'impact de ce que tu fais dans une business de même. Exact. Dans des grosses business comme je travaille, comme moi, c'est des projets à long terme de un an, deux ans. T'as un impact sur le long terme, mais t'as pas une affaire que tu fais genre « Hey, j'ouvre une Switch, puis genre, ça change votre vie, là. » Exact, exact. C'est pas ça pas à ce niveau-là, donc c'est ça. Donc voilà. Non, mais ça va être cool. Puis aussi, même présentement, on travaille avec une agence pour notre site web, tu sais, mais les retours, puis c'est une agence, là, c'est le même, ça marche, la game, là, tu sais. Tu règles des shit, puis le prochain meeting est la semaine prochaine. Ouais, ouais. Puis là, d'un coup, il y a une petite affaire, fait que là, semaine prochaine, puis là, ça tombe dans les vacances, puis là, tu vas être ici, ben, tu vas tout le temps être au bout de la ligne, mais tu vas être ici en personne des fois, ben, aux deux semaines. Profiter du fait qu'on a un podcast de me déplacer pour être là, oui. Là. Exact. Fait que là, on va bouncer les idées live, là, tu sais, puis tester live, là, comme ça va, comme on le fait ou on le fait pas, puis ça, c'est la beauté de l'entrepreneuriat et d'être une PMA. Un PMA. Petite moyenne. Arcade. Ben ouais, ça va être le fun, pour vrai. J'ai besoin de travail positif aussi. De bel environnement, le fun et stimulant. Là. C'est et de tapis gris et de vieilles cassettes, là. Ben oui, écoute, c'est le décor qu'on a, mais c'est de l'évolution. Avant, on n'avait pas ça. Là, on a ça. Puis qui sait qu'est-ce qu'on va avoir plus tard. Puis. Ça ferait peut-être même du fait que je suis là pour repenser tout ça. Le décor, c'est... le vidéo, les toutes sortes d'affaires qui se trament, là. Exact. C'est ce qu'on disait avant le show aussi. Ça nous donne des idées pour l'espace. Chaque idée, on est comme, ben ça se fait, ben ça se fait, ben ça se fait. OK. C'est ça. Comme qu'est-ce qu'on fait avec le local ici? Ça fait longtemps qu'on dit qu'on veut le décorer et tout, mais peut-être qu'on pourrait faire autrement qu'on pensait puis l'utiliser comme plus multifonction. Ouais, ouais. Puis là, comme, ah ouais. Puis, fait que c'est dynamique, c'est inspirant. Puis on peut tout faire ce qu'on veut. C'est ça, là. Ah, c'est beau. Fait que voilà. Fait que finalement, tu sais. Je serais finalement salarié après, je sais pas, 15 ans à te donner un coup de main un peu ici et là sur les business. Là. Ouais. Je t'avais donné un petit peu d'argent, je pense, à l'époque, quand t'as transformé ma boutique en ce genre d'affaires-là, en effet. Et c'est tout des passion projects, toi, tu les as amenés comme une business de vie, là, que c'est ça ta job, c'est ce qui est malade. Là. Ouais. Puis là, très content de mettre les pieds là-dedans. Là. Écoute, c'est bien excitant. Ça va être le fun. Moi, j'aime ça que l'entreprise soit grillée d'assets là, comme toi puis Martine. Des bonnes assiettes. Justement, des bons assets là, t'sais, pour développer les affaires. Là, t'sais, c'est bien important. Ça va te libérer du temps pour pouvoir frotter des boards là, de oui, jeux. Je vais pouvoir aller nettoyer les jeux Atari en arrière et ressortir. C'est pour quand les appels téléphoniques en direct du show. J'ai regardé puis c'est passé coûteux. Là, faire ça avec un numéro de téléphone, avec une affaire d'appel en attente. C'est coûteux. Le plus simple, ce serait de passer par Discord, une application web. En même temps, tu sais, il y a personne qui va t'appeler, qui ne nous écoute pas déjà en direct, je pense, là. Tout le monde a déjà un Discord. Fait que ce serait peut-être la meilleure façon. Peut-être le step numéro un, ce serait ça, là. Parce que ça commence à être de la job de passer sur une ligne. Faut que tu payes, genre. Faudrait appeler Bell puis prendre une ligne terrestre. Ben, terrestre ou une ligne cellulaire. Mais là, faut que tu hook up ça. Puis là, j'ai regardé. Puis il n'y a pas tant de systèmes qui font des systèmes en attente qui ne sont pas des trucs professionnels de centre d'appel, là. Ouais. Là, est-ce que je pourrais coder de quoi? Peut-être, mais oui, on pourrait se faire un entre-deux. Là. On pourrait... Ben, Discord semble le best selon Assassin's Creed. C'est probablement ce que je vais faire si on repart à soir du podcast. Là, ça sera peut-être ce que je vais faire de mon bord aussi. Là, recevoir des appels par là, ça se ferait plus facilement. Fait qu'il faudrait avoir un Discord ouvert, puis là, le monde y appelle, puis là, on les entend. Ben, je sais pas comment il serait ouvert. Faudrait qu'on les queue in le monde pour qu'ils viennent. Peut-être qu'on aura un chat sur le site comme « Hey, je veux parler. » Okay, on appelle, on en rentre un en ligne maintenant. OK. Faudrait pas que le monde rentre puis interrompt le show en direct. Ça serait weird, là. Ouais, non, ben, c'est ça. Ça serait une... Ben, ça serait une... On devrait avoir un bloc. Prévu à ce moment-là. On devrait avoir un bloc, genre, question du public. À la fin, puis ça serait genre « OK, ben, les gens qui veulent avoir question du public, levez la main dans le Discord, on les amène un par un, là. » Ben, il y a des choses qui se font, là. Tout ça est possible. Tout ça se fait, là. Bon, mais hey, que l'avenir sera beau. L'avenir est beau. Beau. Enfin. Des chips. Ça fait drôle de manger des chips à cette heure rétro nouveau. Et on ne mange plus à cette heure. C'est vrai. Ça donne tellement soif, par contre. Je calme ma bière. C'est pour ça qu'on buvait beaucoup de bière dans la rétro nouveau. C'est ça. Ça se boit tellement bien, ces petites bières-là. Exact. Fait que là, on ira en collection. Ah, ça va coller. Déjà. Alors, là, t'avais... C'est bon. Ah ouais. Tu me disais tantôt, c'était quoi? Je te dis, c'est quoi? Quand on dit « c'est bon », c'est à l'époque des podcasts, quand on commençait, et collègue joueur qui dit qu'il a réinstallé Twitch pour vous écouter en direct. Cool. Yes! Donc, tu prends sur une console ou une application. Nice! Quand, à l'époque, on commençait Rétro Nouveau, il y en avait une couple, là, l'épée légendaire, fun jouer jeu, tout ça. Puis il y en avait un qui s'appelait aussi « Horror Gamer ». Et puis, c'était Pierre. Ouais. Pierre comment, donc... Il était venu au WEG, il m'en est, lui. Il était venu au WEG, ouais. C'était un métalleux gamer, là. Il avait parti ça, c'était cool. Et puis, il a comme disparu du jour au lendemain. Ouais. Petit bateau, je pense. Je me rappelle. Ah, ouais. Mais on l'a perdu. Il est disparu. Il a arrêté. Il a arrêté d'exister dans ces sphères-là. Puis, dans son podcast, il y avait un collaborateur, son ami, là, qui était un autre métalleux, là. Puis, c'est ça qu'il disait. Ah ouais, c'est bon. Puis, c'est resté. Wow. Depuis ce temps. Tu sais, ça fait genre. 12 ans. 12 ans de temps. J'aimais ça quand il disait ça. Il s'appelait Stéphane, son collaborateur. Mais moi, je l'ai dit, puis je savais pas pourquoi. Ah, ben là, tu le sais pourquoi tu dis ça. C'est bon, c'est bon. Un petit peu, à chaque fois, on vous dévoile du lore de notre vie. Exact. Ah, c'était. Ouais, c'était. Ah, je pense que c'était Pierre Thibodeau. Ouais. Puis. Ouais. On salue le chaman de Laval qui vient de se joindre au chat. Saveur Fruit Loops. Donc, je sais pas s'il parle de Doritos, mais c'est de base. Ça? Il n'y a rien de Fruit Loops ici. Donc, collection, comme on disait. Je vais y aller dans l'ordre que je te les ai donné. J'imagine que tu as fait ça de même. J'ai fait ça comme ça te tente. Alors, ici, on a une belle cassette qui s'appelle The Making. Ben, c'est pas une cassette, là. Je suis en train de fourvoyer les gens en audio. Il y a une cassette dedans. Oui, il y a une cassette dedans. The Making of Karateka. Donc, Karateka est un jeu que la plupart des gens ici ont sûrement joué sur la cassette de 260 jeux. Ouais. Et puis, il y a plusieurs Karateka, en fait. Et puis, je vais vous en nommer quelques-uns. Non, je le ferai pas. C'est pas écrit sur la boîte. Mais c'est un jeu, ça, qui a eu beaucoup, beaucoup de parts, là. Tu sais, Famicom, PC, Atari 7008, il y en a eu des tonnes. Et puis, c'est une compilation de nos amis Digital c'est Digital Eclipse. Eclipse. J'ai une voix de timeline. Là, okay. Exact. Donc, Digital Eclipse qui sont famous pour faire des compilations fantastiques, dont Atari 500 et... Le Jeff Minter Collection. Oui, en effet. Et puis, Turtles. Et Tetris. Puis, Tetris Forever, en effet. Tout ça. Là. Notre ami Michael travaille là. Donc, Digital Eclipse, ça appartient... du monde qui joue au piano en plus. Exact. Ça appartient à Atari en passant Digital Eclipse, on le répète. Alors, c'est ça. Donc, ce jeu-là contient sûrement toutes les versions de Karateka. Absolument. Mais vu que c'est une compilation de Digital Eclipse, ça contient aussi tout un très grand segment de genre comment ce jeu-là a été fait, comment le gars faisait chez eux. C'est un musée, là. C'est comme une visite d'un musée de ce jeu-là. Et on voyait des dessins de Karateka sur des feuilles lignées, là. Ah oui, ça va deep, là. C'est fou, là. C'est tout des sketchs, là. Ah oui. Non, ça, c'est malade. Puis on l'a essayé au dernier WEG. Michael l'avait amené. Puis, pour vrai, t'sais, Karateka, c'est un jeu d'action, de combat un contre un, où est-ce que tu pètes un dude, puis tu continues, puis t'avances. Puis c'est de l'animation à la Prince of Persia. C'est sorti avant Prince of Persia. Donc, faut que tu pèses par en bas pour prendre ton stand. Si tu kicks, tu punches, tu te relèves. C'est pas du button mashing, là, c'est du positionnement. Puis, c'est comme un cinematic platformer, mais de combat. Cinematic beat 'em up, si je peux dire. C'est un peu ça. Mais c'est très bon. Moi, j'ai tout le temps aimé ça, Karateka. Alors, c'est une très belle compilation. Puis on voit tout le gars, là, ses dessins, ses affaires, ses logos. Il y a toutes ces compiles-là sont très désirables. Ah oui. Donc, ça va vous coûter 50$ si vous voulez commander ça au magasin le plus hot en ville, chez Retro MTL et n'importe quel magasin anyway. Alors, commandez-le chez Retro MTL. Mais commandez chez Retro MTL. Exact. Les meilleurs programmeurs sont là. Les meilleurs programmeurs sont là. Puis plus qu'on plus qu'on fait des ventes, plus ça fait travailler notre programmeur pour améliorer le système. Donc, n'hésitez pas. Deuxième, rappelle plus c'est quoi. Vas-y, non, mais l'ordre n'est pas grave, j'ai tout dans la face. Ah, OK. On y va avec Raiden Nova. Ouais, ça, je me suis souvenu que c'est celle-là. Raiden. Alors, un nouveau Raiden, mesdames et messieurs. Le dernier, c'était le 5, qui était sorti sur Switch et sûrement tout. Anyway, puis je l'avais acheté, puis j'ai jamais joué. Faudrait qu'on explore ça, JF, cette série-là. As-tu déjà joué à des Raiden? Ouais. Nous autres qui sont des grands fans de Shmup. Oui. Sont sur ma nouvelle Street Fighter 2 bien hacké. Mais t'as-tu joué? Oui. OK. Moi, j'avais juste joué au 1. Puis même, mais j'ai pas joué sur Jaguar. J'ai exploré. J'ai pas joué très longtemps. C'est ça. Moi non plus, j'ai jamais exploré. Oh my God, les Doritos. Hey, la bouche pleine, toi, tu rotes. On va donner le hockey, ça va bien. Comme dans le temps. Et puis, j'ai jamais assez joué à Raiden pour dire je connais bien et trippe sur cette série-là. Mais étrangement, je les ai toutes. Fait que je les achète quand ils sortent. On recommence. Je ne les essaie pas. Mais celui-ci, ce qu'il a de différent, c'est que c'est un top-down twin-stick shooter. Ouais. Geometry Wars, un peu, là. Ouais, genre, en effet. Les Raiden, habituellement, c'est des shmups horizontaux. Ouais. Et puis, tous. Non, c'est faux. Des shmups verticaux. Verticaux. Oui. Raiden 1, j'ai Raiden 1, 2, puis le Raiden X, je pense. Ouais. sur mon arcade. Là. Ah, il y a le 4 Mikado Mix et puis okay. le 5. Et puis, bref, c'est des shmups verticaux. Et puis, celui-là, c'est un top-down Twin Stick. C'est très différent. Puis c'est pour ça, ben, je l'aurais acheté pareil. Peu importe. Mais c'était raison, ouais. Au début, j'étais comme, ah. Puis là, je me suis dit, attends un peu, j'adore ça, moi, les Twin Stick shooters, là, tu sais. Mais, puis la pochette est vraiment belle, là, je trouve. Là, j'aime la couleur. On voit pas super bien, là, présentement. Mais la couleur, la pochette est vraiment malade. The Iconic Vertical Scrolling Shooter, ouais. Ouais. En arrière, rien de spécial tant que ça. Et puis, seul bémol, c'est que ça joue pas à deux. Ah non? Donc, c'est tout seul. Ah. Fait que ça, c'est triste. Là. Mais bon, il vous en coûtera également 50$ pour vous le procurer chez Retro MTL. Ça va bien. Ça disait 20 différents skills à débarrer, plusieurs aircraft. C'est cool, ça. Oui, il a l'air d'avoir pas mal de matériel dedans. Donc, à essayer au WEG, j'imagine. On se passe à la main. Ah, tout à fait. Prochain jeu. On va y aller avec... Momodora Moonlit Farewell, un autre jeu de Switch. C'est que de Switch que je vous présente ce soir. Ça vient de sortir. On a reçu une batch Limited Run cette semaine chez Retro MTL. Je vais ressortir mon timeline de Momodora parce que c'est un Metroidvania. Et puis, il y a eu Momodora 1 qui est sorti en 2010. En 2011, Momodora 2. En 2014, Momodora 3. Et je ne sais pas comment jouer à ces jeux-là. Ça doit okay. être genre PC, des possible. Petits jeux de rien. Là. En 2016, Momodora Rivalry Under the Moonlight. Celui-là, je l'avais fait sur Switch. J'avais bien aimé. Très compétent et agréable Metroidvania. Et celui-ci, ça c'est en 2016. Et celui-ci, en 2024, Momodora Moonlit Farewell. C'est le dernier de la série. Donc, il y a eu une petite gap là, entre 2016 ouais. et 2024. Et puis, je me dis que ça doit être aussi compétent que l'autre d'avant. Et puis, that's it. Donc, hâte d'essayer ça. Là. J'avais eu du plaisir. Et puis, peut-être qu'un jour, ils vont faire une compilation des 1, 2, 3 sur Switch. Ouais. Ça serait bien. Compilation de Momo. Exact. La Momo-lation. Momo collection. ouais. Donc, la collection d'Aura. Ouais, c'est ça que j'avais en tête. D'Aura l'exploratrice. Alors, pour ceci, et faites vite parce qu'il en reste pas tant, c'est 60$ chez Retro MTL. Best magasin in town. Mm-hmm. Et puis, on y va maintenant avec Castlevania The Dominus Collection. Il s'agit de la compilation de tous les jeux DS de Castlevania. Ils sont trois et cela inclut aussi un Haunted Castle revisité. Ah ouais. Donc, Haunted Castle, c'est le jeu d'arcade, là, vraiment très, très, très, très, très dur. Là. Donc, un genre de remake de ça, qu'il faudra bien que j'essaie, parce que moi, j'aime bien ça, ces affaires-là. Et puis, j'avais fait Haunted Castle sur la Castlevania Anniversary Collection, puis j'avais réussi à le finir. J'étais très fier de ça, j'ai eu du plaisir. Donc, là-dessus, en fait, vous avez... Dawn of Sorrow, qui est un dans mes top 5, là, c'est un des meilleurs Castlevania à mon avis. Portrait of Ruin et Order of Ecclesia, qui est un petit peu moins mainstream, si je peux dire. Ah, donc, ouais. Ce que je vous présente là, c'est la classique édition, donc qui est en forme exactement le même format qu'une boîte de NES. Et puis, pour ce qui est Castlevania et Curse of the Moon, je prends tout le temps les classiques éditions. Alors là, ça continue. J'étais content. Ah ouais. Ça a pris full de temps avant qu'on ait cette version-là. Les standards, on les a depuis plusieurs semaines. Là. Puis chaque fois, les éditions spéciales, c'est tout le temps plus long. Stie. Fait que on l'a. J'étais sur le bord de l'acheter sur eBay pour 200$. Genre, je me suis dit, on l'a raté. On l'aura pas. Mais on a reçu une belle boîte, pleine de boîtes. Alors, ça coûte 115$ pour ce beau 115 package. Piastres. 115$. C'est pas donné, non. Mais il y a plus cher que ça. Et puis, oui. Pour vrai, c'est des excellents jeux. Là. Ah ouais. C'est tous des excellents jeux qui durent longtemps. Vous allez en avoir pour votre argent. Là. Ça, c'est certain. C'est et beau, ça. Le dernier jeu pour aujourd'hui, toujours sur Switch, 9 Years of Shadows. Les Limited Run, il faut les commander longtemps d'avance. Et puis, j'avais complètement oublié qu'on avait commandé cette affaire-là. C'est un autre Metroidvania où est-ce qu'on incarne, on dirait, une femme avec une grosse hache là, médiévale, une chevalière. Et puis, il y a beaucoup de... Tout est en or là-dedans, puis en armure. Là. C'est très brillant, tu sais. Et puis, au look, comme vous pouvez voir le gameplay présentement, ça a l'air un peu Castlevania, Symphony of the Night, là. Donc, j'ai aucune idée, man. J'ai aucune idée. Je connais pas le studio qui fait ça. Je connais rien. On trouvait juste que ça avait l'air quand même vraiment nice. Fait qu'on a commandé une coupe. Ça aussi, ça coûte 60$ au meilleur magasin en ville qui tient les meilleurs jeux, les meilleurs Metroidvania pour vous, mesdames et messieurs. Alors, garochez-vous. C'est disponible dès maintenant. Puis, j'en ferai la critique bientôt. Là, ce soir, je fais la critique d'un jeu. Après ça, j'ai fini Shanté. Je vais faire la critique au prochain show. J'ai fini, ouais. Combien de temps, à peu près? 9h. OK. Je sais pas si c'est des vraies heures ou c'est genre j'ai mis le jeu sur sleep et les heures ont continué, peut-être. Mais ça ferait du sens, 9h, parce que j'ai cherché tout, j'ai 100%. Et puis là, c'est Ninja Gaiden Ragebound qui sort cette semaine en physique, donc je vais le commencer. Ouais, ouais. Puis après, ben là, il y a Silksong qui vient de sortir. Puis là, il y a ça qu'il faut que je fasse. J'ai des tonnes de jeux, là, des tonnes de jeux. Fait que ça va venir, je vais en faire la critique certainement, mais en attendant, prenez un guess puis achetez-le. Je veux votre argent. Donnez-moi vos bidous. Yes. Fait que là, c'est à GF. Moi, j'ai pas mangé des chips. On reste en collection. Puis c'est rare parce que c'est moi qui s'en va rétro et non toi, là. Vraiment très, très rétro parce que, bon, je suis venu la semaine passée avec mon gars chez Rétro MTL. Ben oui. Meilleur magasin en ville. Ben, absolument. Mon gars qui cale un yacht dans le char. Après ça, papa, j'ai envie de vomir. Là, il a fallu être au parc pendant une heure. Je suis la gars qui courait partout. Je suis comme. Parce que quoi? Il voulait vomir, pourquoi? Parce qu'il avait calé un yacht. Il avait amené deux yachts, puis j'ai dit, Gabriel, genre, tu vas en boire un, puis on va voir après si t'as soif. Quelle erreur de ma part de dire ça. Je me réveille, il l'a calé. Je suis comme, oh fuck. Les deux? Il y en a calé un. Je suis comme, ok. Oh. Mais après, c'est mal ça, au c'est cœur. Trop, ça. Hein? Il a eu mal au cœur parce que c'était très rapide. Là, ah, ok, ok, ok. Chris. Fait que là, je suis comme, je vais aller acheter mes jeux d'Atari, et c'est juste au bord de la rue. Non, mal au cœur. En tout cas, on a fini par rentrer dans le magasin. T'as vendu ça au parc? Ouais, ouais, ben, il a pas vomi sur le parquet ici. Non. Il y avait aucunement vomi. Il faisait juste courir partout dans le parc. Bref, je suis venu me griller de quelques jeux d'Atari pour aller avec mon 7800 parce que j'avais juste le jeu de c'est quoi le de jeu Bentley Bear. Bentley Bear, ouais. Donc, je suis revenu chez nous avec 5 beaux jeux et je te montre ça tout de suite, Dan. Donc, premièrement. Je les ai déjà vus dans ta commande dans l'app de Shopify, mais vas-y. Je te les ai envoyés aussi. Donc, Combat, pour commencer. Donc, comme on veut voir, un excellent jeu de combat. Tu peux pas passer à côté de ça. Non, mais c'est des classiques, là. En fait, 10$ ici chez Retro MTL. Donc, Combat, un jeu qui se joue à deux modes, tank ou avion. Jet, oui, puis t'as plusieurs sortes. T'as plusieurs niveaux, donc t'as plusieurs layouts de map, là, comme là on voit une map avec absolument rien. T'as différents layouts de map. Pis, exact. Et puis t'as des vitesses, là, pis t'as les balles qui peuvent rebondir ces murs, les balles qui peuvent faire des petites curves. Puis mettons dans les avions, t'as 3 petits avions contre une grosse avion. Ouais, ouais. Et laisse-moi te dire que t'es fucking désavantagé quand t'es la grosse avion. Les deux, ils ont la même largeur. En grosseur, mais la grosse avion tire une grosse crise de balles. Ouais, ouais. Ben, pas si grosse que ça. Puis les trois avions tirent 3 petites balles qui font une grosse largeur. Alors, cette ouais. balle est bien plus grosse que celle de la grosse avion. Donc, voilà. Puis t'as des jets aussi, puis des plus vieux avions. Donc, t'as une différence. Ouais, c'est quand même bien, là. T'as des nuages. C'est... En fait, c'était le jeu, ça, qui venait avec un Atari dans le temps quand t'achetais la console. C'est le Super Mario. C'est dommage parce que ça joue pas tout seul. Il faut peut-être que tu joues à deux, là. T'es sûr? Ben, quand tu joues tout seul, l'autre, il bouge pas, là. Non, mais il y en a. Moi. J'ai pas, sinon, moi, j'ai mal vu, puis tu peux jouer tout seul, puis je m'en suis pas rendu compte comment. Là, mais, il me semble qu'il y a un AI de ça. Ah, OK. Il faudrait que je vois comme il faut. Alors, donc, voilà, premier jeu. Combat. Ensuite, pour un autre 10$ ici, Maze Craze. Donc, c'est le... Mettons, là, tu t'en vas au resto, là, ouais. avec des enfants, puis tu as un apron avec un labyrinthe là, qu'il faut que tu traces. Ben, c'est ça, c'est une compétition de deux personnes. Il faut trouver la sortie du labyrinthe. Ça le plus vite possible. Le plus vite possible. Ça joue tout seul aussi, c'est ce que tu veux. Donc, l'autre reste dans le coin, il bouge pas. Là. Mais pour vrai, si tu fais Selector sur ta console, là, tu peux changer les modes. Ah, j'avais essayé. Puis je l'essayerai. Faudrait que je recheck d'abord. Là, il y a plusieurs modes aussi. Il y a des bébites là, qu'il faut pas que tu touches. Des fois, ça clignote. Fait que là, ça te fuck la tête un peu. Puis, j'ai tout le temps bien aimé la pochette là, du policier ouais, ouais. du bandit là, qui court. Là. Pour de quoi qu'il y a zéro de l'air de ça. Non, non, c'est ça. Comme tous les jeux d'Atari. Là. Mais j'ai booté ça. Puis j'étais comme, j'ai du plaisir 2 minutes. C'est le fun. C'est ce que je m'attends d'un Atari. C'est souvent ça, les jeux d'Atari. Ben, c'est les attentes. Tout le temps, les attentes. Là. Un jeu que j'ai mis plus que 5 minutes, par exemple. Dodgem. Oui. Là, j'ai écrit 10$. Mais c'est biaisé. Parce que j'ai profité de l'excellente promo chez Retro MTL de 3 jeux en bas de 10$. T'en as un gratis. Ben oui, t'as eu un jeu gratuit. Fait que j'ai eu ça là gratuit. Non, j'ai pas payé Dodgem, ça veut dire que je l'ai eu gratuit. Fantastique. Donc, Dodge M est un jeu de labyrinthe de voitures. Donc, faut que tu ramasses des pitons comme dans Pac-Man un peu, puis t'as une autre voiture que son AI veut juste te rentrer dedans. C'est très difficile, ça va très vite. C'est le fun au bout. J'ai vraiment accroché quand j'ai joué. Tu peux poser par en avant pour aller plus vite, tu peux ralentir. Ouais, ah, ou c'est le bouton du joystick pour aller plus vite. Là. Puis oui, tu peux ralentir, puis tu peux te déplacer en diagonale, puis changer de voie. Là. Fait que... Exact. De là, la pochette, c'est comme « Oh shit! » tu tournes au dernier moment pour éviter des face-à-face. Ça tourne vite en maudit. Là, puis, c'est quand même bien. Là, puis faut que tu trompes le AI là-dedans, dans le fond, le computer. Là. Puis tu sais, plus tu vas dans le centre, plus ton tour va être rapide, puis plus tu vas alentour. Faut que tu calcules ça quand tu te déplaces. Là, oui, oui, oui, c'est. Si tu prends une longue branche, puis l'autre arrive l'autre bord, t'es foutu, tu peux pas reculer. Là, fait que c'est ça. Donc, c'est très intelligent. Ouais, pour vrai, c'est très bien pensé. J'ai pas réussi à passer le premier tableau encore. C'est vraiment difficile. J'étais sur le bord, là, mais. Puis me semble à rétro nouveau, je pense. Quelqu'un, Bruno, peut-être, avait parlé d'un petit jeu de. Par là, ça sortit nulle part, man. Puis c'est exactement ce jeu-là qui avait été reskiné. Là. Bref. Bref, ce style de gameplay-là a peut-être fait une coupe de petits. Belle pochette, très bel état ici. Donc voilà, c'était Dodge M. Mario, c'était deux. Donc ensuite, un grand classique. Oups, j'ai mal cassé. Enduro pour un 15$ ici. Oups. Voilà. C'est un peu magané, hein, mais c'est dur de les avoir en bon état, les maudits jeux. Ouais, mais puis je me dis, tu es rendu là, je peux bien en prendre un qui est un petit peu magané, puis je vais le changer si j'en trouve un plus beau mané. Ouais. Je vous le ramènerai. Là. Ouais, on va te le racheter pour 50. Ouais, c'est ça. Enduro dans lequel on conduit une araignée, on dirait. Là. Oui. Une voiture de course. C'est pas très. Ben, c'est pas très bon. C'est bon pas très longtemps. Genre, ben, c'est ça, je me demandais, parce que la pochette de ce jeu-là est incroyable. Là. Je la trouve vraiment belle. Puis là, je suis comme, Chris, pourquoi ça fait longtemps que j'ai pas joué à ça. Puis c'était-tu bon, donc? Donc, finalement, tu conclus non. C'est correct, là. C'est il n'y a pas grand-chose d'autre que ce que tu vois en ce moment. Éviter les obstacles, puis c'est pas mal ça. Là. Mais il faut que tu dépasses les 148 chars. Oui. Fait que faut que tu ailles le plus vite possible en évitant les nids de poules qui te font bondir vers l'arrière. Là, ça devient dans la neige. Là, mais tu meurs-tu à un moment donné ou c'est juste l'endurance? C'est de l'endurance. Oui, mais ça s'appelle enduro. Ouais. Je me suis réussi à devenir premier. Je pense que c'est ça. Je me suis pas rendu jusqu'au premier. J'ai arrêté avant ça, bien évidemment. Mais j'ai eu du plaisir le temps que ça a duré pareil. Là. Chris, ça me donne le goût d'essayer puis de voir. Ah, mais là, au WEG, là, on se pogne du Atari. Là. Ouais, ouais, ouais, absolument, absolument. Je l'amène, je vais te montrer quoi après avec lequel on va jouer, anyway. Hey, Jim, dans le chat, il dit il n'en existe pas un au Game Boy, il y a un Dodge M, et tu as raison. Ça n'a pas rapport à ce que je disais avec Bruno puis Retro Niveau. Ben peut-être, mais il y a un jeu Atari qui c'est précisément le même gameplay que Dodge M. On ira checker après au pire. Ouais. Et le dernier pour ce soir d'homme, 15$ encore une fois, SeaQuest. Beaucoup de plaisir aussi à jouer à celui-là. Ouais, c'est un bon ça. Il est le fun. Très simple encore une fois, mais très le fun. Donc t'es un sous-marin et tu dois tirer des sous-marins, tu dois ramasser des nageurs. Exact. Et puis, faut que tu ailles à la surface, te retinquer l'oxygène un peu. Ah, t'es sérieux? Oui, oui, t'as de l'oxygène qui descend en bas. Oui, mais je pensais que c'était ton temps. Je pensais pas que tu pouvais OK, ben là, ça vient de changer la game. Ça vient de changer. Tu pensais que tu mourrais. Je pensais que c'est juste comme ramasse le plus de plongeurs que tu peux avec le temps que t'as. Ça... Ben non, ah, absolument. Ah, ben là, OK. Tu ramasses tous les plongeurs, puis là, ils te le disent quand t'es à toutes. Puis, tu remontes à la surface, fini le niveau. J'ai joué une heure à tous ces jeux-là, mais. Global, cette semaine. Je l'ai plugué. J'ai le goût de jouer à ça. J'essaie tout ça. Donc, ouais. Ah ouais, des beaux moments. Pour vrai, c'est le fun. Là. Tu sors ça, puis c'est exactement ce que tu veux. C'est des petits. Tu sais, des fois, je dis, ah, je game plus. J'ai pas de game. C'est pas vrai. Je game, mais je suis pas investi dans des jeux à long terme. Je joue à des jeux d'arcade, des jeux de Playdate, puis des jeux d'Atari. Fait que là, je suis du Pico 8, des jeux très courts que tu n'investis pas. SeaQuest. Donc, voilà. C'était très bon. Je vais demander à l'intelligence artificielle. Ah oui. Quel jeu à Game Boy reprend le même gameplay que Dodge M sur Atari 2600? On va voir si ça va. Mais moi, j'aurais pas l'audio. T'as pas l'audio avancé de gens qui payent beaucoup d'argent? Ah, il dit Pac-Man. Sinon, tu comprends pas. Là. Ben, il a lu que ça ressemblait à Pac-Man. Il dit Pac-Man sur Game Boy. En tout cas, il me reste une dernière affaire d'homme à te montrer. Donc, pour jouer à tous ces beaux jeux-là, je me suis pogné une belle manette ici. 55 beaux dollars pour le joystick wireless. Oh, wireless, hein? Parce que pourquoi pas payer 10$ de plus pour être wireless? Parce que je suis comme, m'a été assis dans mon fauteuil. Puis là, je me dis, il faut que je sois proche de la console parce qu'il faut que je paye dessus. Anyway, mais c'est pas grave, donc je l'ai sorti ici. On va la mettre à côté, donc voilà. Tu sais quand c'est beau cette manette-là? On va revenir à la cam principale d'abord aussi, là, t'sais. Mais pogne-la, présumé. Ouais. Et c'est comme. Et pour moi, ça a l'air d'une vraie manette, là. C'est exactement le même feeling. C'est pareil, pareil. C'est tellement bien fait, là. Moins fragile aussi au niveau du stick, là. Le bouton moins renfoncé. Ouais. Mais pour vrai, c'est exactement. Et tu mets le dongle USB, puis c'est parti, t'es dedans. Puis j'étais comme. Oui, un peu cher, 55, mais tu sais, je viens de payer 150$ pour un Atari, que c'est des jeux qui valent 2$, anyway, là. Tant qu'à ça. Non, c'est ça. Puis c'est un bon produit, là, pour vrai. C'est, ah, j'ai créé un besoin à Jim. C'est lourd, C'est robuste. C'est pas comme léger, cheap. Parce que l'option que j'avais, sinon, c'est de me pogner des manettes Yose avec un fil, ou l'autre filaire était 45. Je me dis, ben là, tant qu'à ça, genre, j'ai les moyens, moi, me payer le sans fil. Puis je me disais que j'avais pas besoin d'être tight au, genre, au FPS près du contrôle, de comme, ah, je viens de le payer. Puis c'est des jeux Atari, là, on s'en fout. Mais ça, sûrement que le mais contrôle. Mais c'est très tight quand même. Ça va être plus tight ça que les vieux, là. Probablement. Les vieux, ils sont fatigués, là. Chris, ça c'est, pour vrai, ça marche très, très bien. Fait que je me demande quasiment si j'en achèterais pas une deuxième, le WEG, pour on pourrait être assis dans un fauteuil avec ça, là, à deux, là. Mais j'en ai plein de Wired aussi, là. On peut faire ça aussi, mais ouais. Tout perdre ton argent. Ça va me prendre des paddles après ça aussi. ouais, moi, la fois que tu t'avais dit, il y a un box set qui vient des paddles et des jeux, il n'y a pas l'air d'être disponible au Canada. Ah non? Je l'ai pas trouvé, en tout cas. Ok, c'est surprenant. Sinon, j'ai pas regardé aux bonnes places. À moins que vous l'ayez dans le meilleur magasin à Montréal. Ici, on peut pas. non, on n'est pas le meilleur là-dessus. Par contre, les produits. On peut le devenir, ben non. Ça serait hot. Donc voilà. Je vais essayer ici. Faire du beau. Ah, ça serait Power Racer sur Atari 2600. Donc, tu veux-tu le mettre, Jeff? Ouais. Mets-nous un petit vidéo de Power Racer sur Atari 2600. Mais ouais, pour vrai, pour le WEG, je vais amener mes paddles. Tout le monde, tu sais, on va être bien. Là. On va avoir ce qu'il faut. Là. Oh, petit tour de Castlevania qui embarque avec ça. Atari 2100 Dodge M versus Game Boy Power Racer. C'est Game Boy, pas Atari. Oui, Power Racer sur Game Boy. Voyons, excuse-moi. Donc, c'est ce jeu-là qui prend exactement le même gameplay que Dodge M. Long play. Ah, il y a des long plays de ça, rien de moins. La musique, vas-y. On le voit pas à l'écran, par contre. Ah, excuse-moi. Peut-être que je vais vous mettre ça à l'écran, là. Je pensais que je l'avais enregistré tantôt. Jolier. Il est là. Il est là, le long play de Power Racer. Ah, c'est exactement ça. Ah, c'est du 1-1. Ouais. Puis, mettons, la pochette, astie, je m'en rappelle plus. C'est un jeu que t'as, ça, Jim, chez vous? Hey, c'est ça, la pochette, Ah oui, c'est ça. C'est exactement ça. De Tecmo. Tecmo, ok. Je sais pas si c'était eux autres qui avaient ça à base. Jim, il l'a en plus. Fait qu'il savait de quoi il parlait. Un connaisseur. Voilà. Bon, ben écoute, on va aller en critique. On s'en va en critique. Alors, on saute dans le bain de lait avec... là, du vrai lait, là, pas du monde lait. Là. Avec Astro Aqua Kitty, la Possum Collection. Oh, beau jeu de mots ici. Oui. Développé par Tikipod, publié par Tikipod, puis disponible sur tout. Donc, puissant, ce chat-là. Ah ouais, c'est un chat puissant. Donc, ça, c'est une collection de deux jeux, en fait. C'est Astro Aqua Kitty et Aqua Kitty UDX. Moi, je vais parler surtout d'Astro Aqua Kitty, mais je vais quand même expliquer UDX, c'est quoi, qui est le plus petit jeu. Donc, en très gros, ce qui se passe là-dedans, t'es comme une gang de... Tu veux lequel? Tu veux UDX ou tu veux l'autre? Mais le gros. Mais Astro Aqua Kitty. Le vu là. Donc, vous êtes une gang de chats. Et puis, sous la mer. Et puis, je me demande si c'est pas genre post-apocalyptique, là. Et ça l'est toujours. Il y a des réserves de lait. Je rappelle le liquide, là. Donc, de lait sous la mer, là, dans les murs. Puis là, vous autres, vous êtes un clan de chats qui extractez ça. Mais ta job, c'est pas de gérer ça. Ta job, c'est de conduire un petit sous-marin. Et puis, de détruire les menaces qui vous empêchent de faire votre boulot. Et puis d'ailleurs, il y a le clan des lapins là, qui sont vraiment des tabarnaks. Et puis, ils viennent faire du trouble des fois aussi. Là. Je sais pas pourquoi les lapins ils veulent... Mais eux autres, ils plantent des carottes en dessous de l'eau. Mais bref, ah ouais. Tout qu'une histoire. Et puis, c'est constitué de 6 mondes, je crois. Et puis, donc tu commences en te créant une game. En te créant une game, tu prends un pilote dans un choix de 5, je crois, et un ingénieur dans un choix aussi de 5. Il y en a plusieurs. Okay. Et puis, un de chaque, et puis c'est ta combinaison, ça, pour le reste de la game. Chose que j'ai trouvé un petit peu plate. parce que chacun vient avec des skills et puis que tu actives. Et puis voilà, tu peux pas les activer en partant, tu montes de niveau dans le jeu-là, puis tu actives ces skills-là, tu as 4 points de skills que tu peux activer okay. à travers les différents skills de tes deux personnages. Et puis donc, comme je disais, tu montes de niveau, au niveau de l'armement, ton sous-marin a plusieurs sortes de balles qui consomment des jauges d'énergie diverses. Il y en a qui ça décuple très vite, mais ça fait plus mal, tout ça. Puis bon, t'as des wave beams, des homing, t'as des snipers, t'as un peu de tout. Et puis ces affaires-là, ils upgrade aussi avec le temps. Tu les ramasses, mais tu montes de niveau. T'en trouves des level 1, les level 2, les level 3. C'est les mêmes armes, mais qui que t'en trouves des levelés plus up. Et puis quand t'es à un save point aussi, ils t'en proposent quelques-unes que tu peux acheter. Tu peux en équiper genre. Puis tu peux équiper aussi des pods. Genre qui te rajoute du shield, qui te rajoute des petits guns ou qui sont des armes qui durent un certain temps que tu peux activer, pratique pour les boss. Donc du joli petit armement, assez facilement gérable sans que ça soit stressant. Ouais, c'est pas trop. Hein. Non, c'est ça, c'est juste bien, tu sais. Puis that's it, tu sais, fait que ça, okay. c'est ta gestion. Puis pour le reste, ben c'est un shmup exploratoire, comme vous le voyez là, en dessous de l'eau. Avec une map assez vaste, les petits minous, ils te donnent des quêtes. Et puis, genre, va chercher 3 scientifiques qui sont répartis dans la map. Fait que là, t'es trouves, t'es ramènes. Après ça, il faut que tu, je sais pas, moi, que t'ailles péter une affaire précisément. Et puis, ici et ça. Fait que tu fais toutes ces petites missions-là jusqu'à ce que ça t'envoie à un boss de fin de niveau. Puis après ça, ben, tu passes au monde suivant. Et tu ne peux pas revenir dans les mondes que tu as terminés. Donc, quand c'est fini, c'est fini. Des fois, il y a des mondes que j'ai pas fini les maps au complet. Puis là, je suis comme « fuck, j'ai peut-être raté des trésors. » J'étais un peu FOMO. Mais d'un autre côté, même si j'avais raté une arme, ben dans les prochains niveaux, la même arme va venir revenir puis elle va avoir un niveau plus élevé anyway. Okay. Fait que tu manques jamais rien de final. Là. Donc, c'est ça. C'est pas des... Ça semble labyrinthique, mais ça l'est pas tant. Tu te perds pas parce que t'as ta map tout le temps. Et puis ce qui est le fun aussi, c'est qu'elle est en haut à droite dans une certaine grosseur, mais tu peux l'avoir un peu plus grosse, puis tu peux l'avoir full screen okay. aussi, ce qui est vraiment con là. Mais un peu plus grosse, c'est bien là. Tu vois loin d'avance, fait que t'avances dans la map, puis that's it. Aussi, comme on voit là dans le screen, tu peux utiliser ton argent. Tu ramasses de l'argent là-dedans beaucoup. Il y a beaucoup de stats, les gars. Il y a énormément de stats. Moi, je regarde rien de tout ça. Ok, je me disais, c'est trop, mais tu n'as pas à les regarder dans le fond. Moi, j'ai jamais regardé ça. Là. C'est ben trop de stats. Mais tu achètes aussi des upgrades de ton vaisseau, plus de shield, plus de life, plus d'énergie. Et puis, c'est ça. Là. Mais au final, tout ce que tu fais, c'est. Domper des armes pour en acquérir des plus fortes, puis les équiper éventuellement quand t'as le level qui le permet. Parce que des fois, tu peux trouver une arme level 8, mais toi, t'es juste au level 5, tu sais. Fait que là, elle va occuper une slot dans ton équipement, mais tu peux pas l'équiper, tu sais. Fait que faut que tu fasses attention de pas trop avoir de l'armement que tu peux pas mettre dessus. C'est très Diablo-like, ça, là. C'est... Ouais. Ah ouais, hein? Ouais, Diablo, c'est souvent ça. T'as des loots qui tombent, t'es comme « Oh shit, une, genre un épée level 40, je suis level 12, je la garde! » Ben, t'as ça là-dedans en effet. Là. C'est beaucoup de gestion de changer un pour l'autre. Ouais. Je veux juste revenir à collègue joueur dans le chat qui dit que Head-On sur l'arcade qui est le même gameplay. Ah ouais? Alors voilà, que Dodge M et Power Racer. Donc, tout ça... Je vais le mettre sur mon arcade. Ça me laisse ton arcade. Donc, c'est ça. Sinon, c'est très répétitif, là, les mondes, les ennemis. C'est un peu tout le temps les mêmes, tu sais. Il y a du monde qui pourrait peut-être trouver ce jeu-là un peu redondant. Mais moi, au début, j'étais pas sûr. T'sais, j'ai vraiment pris un guess en achetant cette compilation-là. Je trouvais que ça avait l'air pas pire. Mais ça semble relaxant un peu. Ça l'est, man. Et puis, j'étais assez habile à dodger toutes ces balles-là. Là. Ça naviguait bien. Je suis pas mort trop souvent. Il y a des save points en masse. Tu commences à ton save point, tu rééquipes d'autres armes, tu fais des tests. T'sais. C'est plaisant là, de péter le monde. Ouais. C'est vraiment plaisant. Ouais, fun, ouais. Puis moi, c'est ça que j'ai aimé là-dedans. Fait que, non, petite story cute et puis c'est efficace. Fait que, ça, c'est pour ça. Maintenant, on peut aller sur le gameplay de Aqua Kitty UDX. C'est un Defender. Donc, il a repris tout ce jeu-là. Vous voyez, tout, les chats, le vaisseau, toutes ces affaires-là. Puis on a appliqué ça à un clone de Defender. Là, je parle du jeu d'arcade, l'autre jeu qu'il y avait sur Atari 2600. Donc, tu as un tableau en haut au centre, comme un scanner, là, qui te montre où sont les ennemis sur la map. Et puis, il faut que tu les tues toutes. Les ennemis, c'est des petits points. Puis toi, tu as un point aussi que tu te promènes, puis tu vas les tuer. Pareil comme Defender ou bien Stargate. Et puis, tu as des ennemis qui vont essayer de prendre des chats et de s'en aller avec. Donc, c'est ça le concept de Defender. Il faut que tu empêches les vaisseaux de partir avec les chats. Donc, si je sais, j'ai même pas essayé de voir qu'est-ce qui arrive si on se fait voler tous les chats. Parce que j'ai fini des niveaux où est-ce que j'en ai perdu un, tu sais, sur trois. Il y en a trois par niveau. Okay. Et puis, si on se les fait voler les trois, je sais pas si ça met fin au niveau. Parce que, anyway, quand je suis rendu, je me fais voler des chats. C'est parce que le niveau est tough puis je meurs avant. Donc, voilà. Et puis, tu as des armes de base. Et puis, tu pognes des armes temporaires ici et là. Et puis, c'est les mêmes ennemis que dans le Astro. Et puis, that's it. Comme il y a des boss et tout ça. C'est les mêmes ennemis, tout ça. C'est très sympathique. C'est un petit jeu, tu sais. Mais c'est très addictif, là. C'est vraiment bien fait. Je trouve ça aussi, le sprite, les graphismes sont très beaux. Là. Ouais, c'est vraiment... Le chat capitaine ici. Oui, le petit chat capitaine. On revoit la map encore, là. T'as plusieurs sections. J'ai pas réussi à le finir encore parce que j'essaie de le finir parfaitement. C'est-à-dire perdre aucun chat par niveau. Ouais. Mais ouais, j'ai trouvé ça bien cute puis bien compétent, ça aussi. Là. Ouais. Alors, je vais tout de suite tirer ma conclusion, Jean-François. Allons-y. Pour toutes ces raisons, je vais donner un 3.5 pommes à cette compilation de Astro Kitty. Qui sont deux jeux agréables, mais c'est pas, y a rien de révolutionnaire là-dedans. Il y en a peut-être qui trouveraient que c'est trop peu, que c'est pas intéressant. Je sais pas à quelle année que c'est sorti, ça, ce jeu-là. Peut-être date, là, tu sais, puis que, bon, c'est un vieux jeu indie, là, je sais pas, une vieille compilation indie. Mais moi, ça m'a fait du bien de jouer à ça. J'ai trouvé ça correct. C'est un bon entre-deux gros jeux, là, tu sais. Je le trouve pas rapidement. Ah ben, c'est peut-être écrit ça. Ah ben, j'ai pas la pochette. Ah ben, c'est pas grave. Astro Aqua Kitty. 8 avril 2021. Ah ouais. Bon, 4 ans, OK. Pas si vieux que ça, quand même. Donc, après avoir eu du plaisir à jouer à ça, j'en ai fait commander une copie pour Retro MTL. Alors, il y en a... Je pense qu'elle est encore sur les tablettes du meilleur magasin en ville. Et puis, il y a aussi seulement Astro Kitty UDX. Donc, pas la compilation, mais juste UDX, le petit jeu de Defender qu'on a ici en stock disponible au PlayStation 4. Ça, c'était à l'époque où est-ce que la PS4 sortait tous les jeux indie, puis la Switch n'existait pas encore. Donc, si vous collectionnez la PS4, c'est un beau jeu de collection que vous pouvez acquérir sur le site web de RetroMTN ou en venir en magasin. Ben oui. On va jaser Doritos. Des fois, Dom, il est là puis il flotte dans le magasin. Ben, c'est ça, je fais semblant de travailler. Là, puis... Je traîne les pieds. Je suis chaud. Je suis chaud à 3h après-midi. fait que voilà. Sinon, toi, JF, t'avais pas de... J'ai pas de critique cette semaine. T'avais pas de critique. Non, parce que j'ai passé la fin de semaine à remonter mon arcade. J'ai finalement reçu mes bonnes pièces. J'ai dit mon horreur de Amazon de commandage de pièces. Non. Il y avait une pièce qui était installée genre en Ontario, aux douanes, je sais pas quoi, là, pour connecter l'écran avec le laptop. Fait que là, je la recommande. Il arrive, je sors dehors, elle est pas là. Puis je regarde la photo, genre, ils l'ont pas livré à bonne adresse. Fait que là, je m'en vais chercher mon affaire, j'arrive chez nous, je l'ouvre. C'est pas la bonne pièce. Vu que je recommande une troisième fois, finalement, j'ai reçu mes pièces et là, tout est beau. Combien ça coûtait de la pièce? Oh, c'était 30$. C'était une petite affaire. Là. Fait que tout ça, t'as coûté 100$ pour 30$. Ça a été remboursé, les deux autres. Là. Okay. Il y en a qui ont perdu, ils m'ont remboursé. Là, je fais, hey, ce n'est pas mon produit, je le renvoie. Ah, c'était leur erreur. Ben oui, c'est pas le mien. Là. C'est... Ok, je pensais que t'avais commandé à mon Non, affaire. J'ai connu la bonne affaire. J'ai recommandé la même chose, puis là, j'ai reçu le bon produit. Fait que ils m'ont juste pas envoyé le bon truc, puis ça a juste décalé mon timing. Là. Ton plaisir. Ben, beaucoup de plaisir avec cet arcade-là, pour vrai. Là, c'est le fun. Là. C'est très, très le fun. T'as mis Earthion là-dedans. J'ai mis Earthion là-dedans. J'ai mis Cinemora. J'ai mis des jeux, plein de shmup indie aussi qui sont juste disponibles sur Switch, mais pas sur Steam. Mais que tu joues avec une manette d'habitude, mais là, genre, les contrôleurs agissent comme des manettes, fait que c'est parfait, là. Ah oui, hein, j'ai joué ça. À Astérix et Obélix, Slap them all. Ah, il y en a tellement. Ben, il y en a plusieurs jeux d'Astérix et Obélix, pour ouais, vrai. Ouais. Puis je sais plus qu'est-ce qui est. Je sais pas, en fait, c'est bon. C'est correct, là. C'est... Ouais. C'est juste un beat'em up très ordinaire, là. Ok, ok. Parfait par Microïd, là. Tu sais, c'est... Ah, Microïd, man, ça fait toujours peur, ça. C'est... Sauf quand c'est Fort Boyard, ça, on l'accepte, Microïd, là. Mais sinon. Mais ouais, fait que j'ai joué à ça. Puis après ça, j'ai fait, bon, faut que je range mes outils. Là, j'allais dans mon, tu sais, j'ai un rangement dans le sol, une pièce. Oui. Puis là, j'étais pas capable de rentrer dedans parce qu'il y avait tellement de stock. Je suis comme, là, ça suffit, là. J'étais en mode réglage de dossier. Fait que j'ai pris 2 jours et demi et j'ai tout sorti. Et j'ai tout jeté. Puis il y a de la place, là, à cette heure, là. Mes tablettes sont quasiment vides, là. C'est incroyable. Ah, ouais, hein? Ah, ça fait tellement du bien, ça, là. Oui, oui. Et j'ai pris ma collection et je l'ai sorti dans ma belly, là. Là, c'est fait, là. Oh, belly. Fait, ouais, hey, belly. Belly. Fait que là, je m'assis et je suis comme, à droite, je vois des jeux. Je suis comme, oui! C'est le fun de voir même des même si jeux. Je joue pas avec, oui, genre, non. je l'ai voir. La petite sirène. Ben oui, je l'ai mis en front, la petite sirène. Tous mes jeux de Nintendo, la petite sirène. Exact, exact. Kekol ouais. Quebecol aussi que j'ai en boîte. Ah oui, t'avais la ouais, boîte. Oui, j'ai la boîte. Mais ça, j'ai la vraie boîte de Kekol Quebecol. Malade. As-tu un protecteur? Parce que non. Ah, Caroline, va falloir... Ah, ça fait dur, mes affaires font dur, pour vrai, là. Ben là, maintenant que t'as un employé de chez RetroMTL, tu vas pouvoir mettre de l'ordre là-dedans. Je vais taper ses doigts, là. Moi, je tape ses doigts. Quand je vais chez Martine, je regarde sa collection. Des fois, je vois un jeu qui n'est pas tout à fait propre, là. C'est comme tabarnak, t'es directrice du plus gros magasin de jeux vidéo rétro du Canada. Le problème, c'est les jeux de Game Boy. Je sais pas quoi faire avec ça, là. Comment tu peux pas les afficher. À part les empiler, ouais, non, c'est ça. J'ai mis genre tout un derrière l'autre, je comme, t'es triste. En avant. C'est ça. Mais juste voir l'Atari, tu sais. Les jeux, ça, c'est le fun. Ça, c'est beau, là. C'est des beaux objets, les petites cassettes d'Atari. Manette d'AM, tout est beau. Ouais. Puis là, j'ai sorti mes consoles. Je suis en train de réaménager parce que je mets mes consoles. Je veux les voir, mais je veux pas jouer avec. Fait que dans mon rangement, j'ai des bacs par genre. Il label genre PS1, PS2, PS3. Puis dedans, il y a les manettes, les fils, tout ce que je veux pas voir dans mon étagère, là. Exact. Parce que là, j'étais comme, ah, faut que je plug tout, puis que tout soit switchable. C'est stupide, t'as pas envie de faire ça, là. C'est une perte de temps. Je peux pas tout plugger. Là. Genre, il va y avoir 1 million de fils partout. Là. Ben, moi, c'est ça. Moi, c'est j'en ai une grosse partie de tout plugger. Puis là, j'ai des switchers, tu sais. Puis des switchers sur des switchers. Puis c'est pas si chic, tu sais. Puis anyway, je joue jamais à tout en même. Puis je joue rarement. Puis là, l'analogue de Pocket à Star, tu sais, tout est là-dessus, ou ouais, presque. Même Atari, je peux jouer. Mais Atari, j'aime le stick et le fun. Là. C'est... Ben, le vrai feeling, c'est. Ça fait partie de l'expérience. C'est ça, analogue Pocket pour jouer à Atari, c'est pas. C'est pas le best. Là. C'est pas malade, là. Fait que c'est Atari, ça, NES, Super NES, ça c'est correct. Ouais. Je boudrais jamais mon vrai NES. Je le mets là parce qu'il est beau et jauni, puis c'est le mien. Ah ouais, c'est le tien de ton enfance. C'est le mien de mon enfance. C'est mes affaires à moi de mon enfance. Il y a à peu près rien que j'ai racheté là-dedans. C'est mes affaires à moi. Là. Ah ouais. Je me suis racheté une couple de jeux plus tard, là, des jeux de NES quand on commençait Rétro Nouveau, puis on faisait du game chasing. Là, mais ouais. La plupart des affaires, c'est à moi. J'ai beaucoup de jeux de Xbox 360 que j'avais arraché de mon ami Jeff Mallette, mais tout donné sa console. Fait que j'ai plein d'affaires là. Tu dois jouer souvent à ça. Non, c'est sûr. Ceux-là, je suis quand même. Je pourrais peut-être les vendre, ceux-là. Ouais, viens chez RetroMTL, on va te les acheter. Un bon prix. Faudrait que je le passe dans votre app. Ouais, c'est ça. Je vais le passer dans votre application de rachat, là. Puis je vais tester mes jeux dedans. C'est vrai, tu peux tester. Ben ouais, non, finalement. Non, on donne pas beaucoup. Hein, parce qu'on en a tellement. Le monde nous en apporte. Le monde nous en propose. Ça finit plus, là, tu sais. Jim, dans le chat, il dit « Diriez-vous que vous seriez assez en forme pour participer à Fort Boyard? » Moi, je pense que oui. Moi aussi. Je m'entraînerais une semaine ou deux avant, juste pour me remettre un petit peu plus en jeu, mais c'est pas si du... Ben non, les vedettes, ils le faisaient. Ah, là, ouais, c'est ça. On c'est plus robuste que des vedettes. Sure que oui, là. Ben oui. Un jour, ça sera fait, ça, aller à Fort Boyard. On va le réaliser. Mon rêve de vie, là. On va commencer les questions avec Alan Bernard, qui a pris beaucoup d'avance parce qu'il m'a écrit le 31 août avec sa question. C'était quasiment au lendemain du podcast, ça, je pense. Alors, à 9h du soir, il a eu l'idée de demander « J'espère que les vacances ont été reposantes. » Elles l'ont été, merci beaucoup. Ma prochaine question pour votre podcast. Quel est l'effet des droits de douane pour les ventes de moins de 800 US pour ton commerce RetroMTL? Pour ma part, je dois modifier toutes mes annonces sur eBay en enlevant le shipping aux États-Unis car il y aurait hors de question que je paie des taxes au gros clown orange. Voici l'énoncé de Post Canada. Effective August 29, 2025, the United States has suspended its duty-free de minimize threshold of 800$ for all countries including Canada. All postal shipments to the U.S. will be require prepaid duties before your package crosses the border, regardless of the value of their country of origin. Donc, nous aussi, on a reçu le message de Post Canada, exactement la journée, puis on dit, bon, maintenant, si vous voulez shipper aux États-Unis, il faut que vous passiez par une autre application qui va faire que le client va payer les, les duties. Et puis là, faut, ça nous prend une confirmation. Puis only then, tu sais, tu vas pouvoir le faire. Puis là, ça, ça va coûter cher. Ouais, puis là, c'est comme... tu sais, hey, on a eu la COVID, man. On a eu le congé de taxes de fucking... De Trudeau. On a eu... Tous des modifs d'affaires de système. Oui, tous des motifs, des fucking modifs. Genre, si on a juste des affaires, ces tablettes, tu sais, avec des étiquettes qu'on vend dans le magasin, on s'en calisse. Mais Chris, on a un système, là, on vend partout. Là, ouais. Fait que là, c'est un. Quand il y a des changements majeurs, ça. Man, c'est du. C'est un bordel. Mais, par contre, c'est un mal pour. Tu sais, comme. On est triste de pas beaucoup vendre aux États-Unis, mais cette fois-ci, ben, ça nous sauve le cul. Ouais. Parce qu'on vend très peu aux États-Unis, en fait. Là. Alors, on a fait comme tout le monde. D'ailleurs, il y a un article qui est sorti aujourd'hui. OK. Et puis, on a cessé de vendre aux États-Unis. Ah ouais? Mais tu sais, c'est risible, nos ventes aux États-Unis. Fait que ça nous affecte zéro. On a fermé notre eBay pour l'instant parce qu'on a un compte eBay sur lequel on vend de la junk qu'on mettrait pas en magasin. Là, il faudrait l'ajuster pour Canada seulement. Mais là, on voulait pas perdre de temps avec ça. Puis anyway, c'est pas des gros profits pour nous. Là. C'est très négligeable ça aussi. Alors, on l'a juste mis sur pause. Mais j'ai vu aujourd'hui, Martine a partagé un article, que 88% des compagnies de transport mondiales ont stoppé... Les États-Unis, tu sais. Il n'y a plus personne qui ship aux États-Unis parce que c'est ben trop de trouble. Fait que voilà. Ils vont voilà dans, ce qui se mettre dans la merde eux-mêmes. Ben, à ce niveau-là, oui, encore une fois. Fait que voilà comment ça nous affecte, mon cher Alan. Ça nous affecte pas. On a juste, ben, on arrête. Puis that's it. On enlève l'option. On enlève, on décoche les États-Unis et c'est terminé, tu sais. Mais on connaît des gens, tu sais, que c'est vraiment. Leur commerce, c'est que aux États-Unis, surtout. Là, I mean, le drame c'est de clair. Ça. Ça doit être dégueulasse. Puis tout le budget dépensé pour ces compagnies-là pour adapter leur système justement pour ça. Là. Ben oui. Ben oui. Parce qu'il y a des compagnies qui n'auront pas le choix de le faire. Il faut qu'ils bite the bullet et qu'ils continuent de vendre. Sinon, ils vont fermer. Complètement dégueulasse. Tiens, je vais lire cette question-là puis je vais me pogner une autre bière. Tu pourras répondre pendant que je vais quérir les biens. Ben oui. Antonin Fréchette, l'un des deux Rose. Ah oui. À votre avis, à quoi ressembleront les trios et duos du CH cette année? Croyez-vous en un retour en pleine forme de Kirby Dack et pensez-vous qu'il pourra enfin s'imposer comme le deuxième centre qu'on attend de lui? Honnêtement, j'ai moins de doutes sur Laney que sur Dack cette année. Je ne sais même pas que ça va avoir l'air Dack. Y a-tu patiné récemment? Ou c'est Laney j'ai vu patiner? Je suis même plus sûr. Mais il me semble que Laney a passé l'été à Montréal, tu sais, il s'est entraîné et tout. Il a l'air plus motivé. L'autre, il est tellement fait en cristal, c'est Kirby Dack, je sais pas s'il va se péter encore. Ou comme j'aime dire, il est fait en peau de pénis, là. Et il passe son temps à se déchirer. je sais pas pour vrai. Mais les trios, la deuxième ligne, ça va être de Laney, Demidov puis Kirby Dack, probablement. Là. Ouais. Puis... Les trois, ça les me trois fait de la amis. Peine pour Demidov, là, parce que... Non, c'est correct. Danny, c'est pas la pression d'aller sur un... Ah, parce qu'il va être avec Laney, tu penses? Que... Ben, pour son développement, ce petit-là, de jouer avec un gars en cristal, puis d'un autre style... développement, en même temps. J'ai l'impression que c'est lui qui va... Lui qui va pousser les autres, c'est ça, penses? Peut-être. Ben, là. ça se pourrait. Tu sais, lui, s'il fait des jeux incroyables, puis il fait de Laney, puis ça devient un duo incroyable de tireurs. Moi, let's go, là. Je l'avais pas vu de main. Ah, King Nadera qui a pas mis ma référence. Ouais, j'avais compris. Ah, mais ouais, pas fou. Mais on dirait Kirby Dack, là. Mais j'ai peur. Moi, j'y crois plus, là. Il pourrait très bien avoir une transaction. Je sais pas qu'est-ce qui peut se passer, là, pour ça. Qu'est-ce qu'il vaut, man? Il vaut rien. Mais on a de l'argent. On a échangé Carey Price. Mm-hmm. Enfin! Ben écoute, le contrat, tant mieux, ça profite à tout le monde. On est content. Mais on a maintenant, je pense, la place à la masse salariale pour aller chercher Crosby, là. Ben là, Crosby comme deuxième centre. Qu'est-ce qu'il a dit en plus, Crosby? Ouais, j'ai vu c'est ça. Comme, ça fait plaisir de savoir qu'il y a une équipe comme le Canadien Montréal, tu sais, qui te veut, là, parce que j'ai peut-être été un fan du Canadien quand j'étais jeune. J'ai comme, dude, arrête, là. Il nous fait capoter avec ces affaires-là. Mais attends, là, troisième ligne, qu'est-ce qui reste, là? Bolduc, il est où, dans l'équation, là? C'est un def. Là, je sais plus, là. C'est un def, Bolduc? Ben, non. Bolduc, c'est qui l'autre? Il y a un autre Québécois, là. Roi, et puis le petit Roi. Non, mais pas Roi, l'autre, là. Pas celui qui s'est fait retrancher, là. Attends, Caroline. Ouais, j'ai un blanc, là. Si qu'on n'est pas bon. Ouais, c'est parce que je pense que pas en doute, là, mais. Ben, troisième ligne, ça va être Anderson. Au centre, ça va être celui qu'on vient de signer. Asti. C'est ça, j'ai la démence. Moi aussi, j'ai les blancs sur les noms. Jake Evans. Ouais. Puis ça va être Anderson et Gallagher. Puis la troisième ligne. Non, ça, c'est la troisième. Ça va être la quatrième après ça? Moi, je pense que c'est la quatrième. Ça, c'est la quatrième, Anderson. D'après moi, oui. Alors. Ça dépend. Okay. Ouais, peut-être. Slavkovski, Suzuki, Caulfield. Ligue numéro 1, ouais. Ensuite, l'aîné, Dak, Demidov. Ouais. Ensuite, Kapanen, Newhook, Bolduc. Gallagher, Evans, Anderson. Ok, ouais. Ça make sense. Gallagher. Noah Dobson et Goulet. Ah, c'est vrai. Oublie pas ça, là. Man, j'avais oublié Noah Dobson. Lane Hudson, Jaden Struble et Mike Matheson et Alexandre Carrier. C'est quand même... C'est un beau club, là. C'est un beau club. Je veux pas dire la coupe s'en vient, là, mais... je trouve qu'on a un noyau de joueurs qui vont attirer d'autres joueurs aux Canadiens dans les prochaines années. Ouais. Là, on va aller chercher la coupe. Ou là, on va être dans les contenders de la coupe. Là, on n'a même pas parlé de Rainbacker, là. Même pas, il n'est pas encore là. Là, présentement... Michael Hage. Il y a quelqu'un qui a... Puis le goaler qui s'en vient aussi, là. Fowler. Fowler. Exact. Mais là, il y a genre quelqu'un qui est allé sur le bord de la fenêtre, là, puis qui a mis la main sur la petite manivelle pour ouvrir la fenêtre, là. La main est dessus, là. La fenêtre, ça, ou sera pas long, là. Ils sont comme... On n'est pas loin que ça commence, là. On va avoir Joshua Roy. On va avoir beaucoup de plaisir, je pense, cette année, à voir ce beau monde-là. Gallagher est sur le bord de la fin. Ben, on va finir son contrat, puis il va se faire échanger pour des peanuts ailleurs, puis on va dire, c'était le fun. Je pense que David Savard est resté dans l'organisation du Canadien. Il aide les gars à pratiquer, je pense. Je pense que je l'ai vu avec un kit de goaler, au fois, là. Je sais pas. Ah, je l'ai vu avec un kit de goaler, mais je sais pas ce qu'il va faire. Mais oui, on a Rainbacker. Puis là, on a même pas parlé d'aucun Jack-Eye, là. C'est vrai. Il arrive quoi avec Jack-Eye? On le trade, hostie. Puis là, Florian Jack-Eye, Jack-Eye, il va peut-être avoir un hostie de gros camp. Parce qu'il y a eu une très grosse saison l'année passée. Si ça pousse en arrière et que ça fait de la compétition à l'interne, good. C'est ça que ça prend. Exactement. C'est ça que je veux voir. Fait que, moi, en tout cas, si Dak est débarqué déjà, ça va faire de la place. Puis Newhook, on peut trader ça. Puis l'avenir est prometteur. Ah, ça va être du beau hockey cette année, ça va être le fun. J'ai deux games dès que la saison commence que je vais aller voir. Puis si on fait pas les playoffs, moi, ça me dérange même pas. Parce qu'on n'est pas rendu encore. T'sais, on va sûrement être un peu comme l'année passée, là, Saint-Hyacinthe sur le bord. Puis c'est correct, on n'est pas rendu là encore. Je sais pas pour vrai. J'ai hâte de voir. Ouais. J'ai l'impression que la colle va peut-être commencer à pogner, moi, dans cette équipe-là, puis que ça va peut-être faire des petites lamèches, là, cette année. Ben, j'ai hâte de voir. Je pense qu'au niveau de la vibe dans la chambre, la colle est là, tu sais. On a le Boys Club de Bergevin est officiellement plus là, puis on n'est plus dans l'époque de la poudre avec Costitine au Fly Gin, puis ça, tout tiré. On n'est pas dans cette gang-là. On l'a dit, genre, Suzuki, il va à Metz, puis juste Caulfield, faut le checker, mais je pense qu'il reste dans les limites de l'acceptable pareil, là. Il a le droit d'être une superstar pareil, là, Caulfield, même si c'est pas un Suzuki, là, très, très straight carré, là. Amusez-vous, là. Ah, oh, je suis d'accord. C'est Guy Lafleur, là, ça y allait par là, lui-là. Ouais, on m'a partagé une vidéo, là. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Faut que je vois ça. C'est pour ça que je pense à ça, je pense, ouais. C'est le bon Nick de la Balmol, il nous a partagé ça. Oui, c'est vrai. Mais Jim, on va avoir un pas pire club, là. Ça va être bien correct. C'est déjà, on a un pas pire club, ce papier déjà, mais ça va juste aller en s'améliorant, là. Exact. Les gars, on prend l'expérience. Demida va trouver ses repères aussi, là. Ça va me faire de la peine quand Demida va avoir un genre de un slump. Ça va arriver. Puis qu'il sera pas. Il va être un peu à côté de ses patins. Puis ça va arriver, là. Chris, c'est son année recrue, man. Puis là, le monde va chier dessus. C'est arrivé à l'autre, là, le top, le numéro 1, là. Fuck, j'ai un autre blanc, là. Ah. Oh. Dès que j'oublie les Blackhawks, là. Bédard? Ouais. Ouais. Il y a un genre de slump. Il risque d'avoir ça, Demidov aussi. Il faut qu'ils se développent, ces jeunes-là. C'est correct, ça fait partie de la game. Ben oui. C'est dans l'adversité que tu te développes. Exact. Voilà. La belle qualité nous demande. C'est fantastique, ces noms-là. Bonjour, Dom et JF. Vous avez décongelé l'homme d'Encino. Avec quel jeu vidéo voudriez-vous lui faire découvrir cet univers? On rappelle aux gens qui sont jeunes à la maison que Brendan Fraser est un film où est-ce que deux adolescents trouvent un homme des cavernes dans un bloc de glace dans leur cour en creusant une piscine. Ouais, ouais. Là, il dégèle, puis là, il devient le plus cool de l'école. Il boit de la slush dans la machine. Exact. Puis là, c'est comme un teen movie. C'est bon, ce film-là. Oui, c'est bon, là, c'est super. Pauly Shore et Pauly Shore. Là, ah ouais, c'est la belette. Un film culte d'adolescents de nos adolescents à nous. Là. Mais qu'est-ce que tu fais découvrir? Tu fais découvrir genre Joe and Mac? Là? Ou tu vas dans des jeux d'hommes des cavernes direct? Ah oui, juste des jeux d'hommes des cavernes. Ben oui, Joe et Mac au Super NES pour commencer, pour qu'ils se calment. Mais il faudrait commencer avec des choses primitives. Là. Tu branches l'Atari, puis tu fais Galaxian, puis des affaires de même. Ah oh, tu vas vraiment dans la base. Là. La base, des lignes qui bougent. Il ne faut pas le fucker tout de suite avec Call of Duty Modern Warfare 4. Là. C'est important si on veut pas qu'il stresse. Fait que, mais l'homme d'Ancino joue aux arcades dans le film. Il joue à des jeux de course. Là. Il est bien bon là-dedans. C'est une arcade Data East là-dedans ou c'est... Ah, je me rappelle. Ben, c'est, une non, c'est, Robo... c'est dans Robocop. Hein. Je pense que c'est juste des jeux de Data East dans l'arcade. Il y a une... Il y a un film qui a juste des jeux de Data East à une place. Ben, Data East, c'est Data East qui ont fait l'arcade de Robocop d'ailleurs aussi. Probablement ça. J'ai jamais joué à Robocop arcade. Ça doit être assez mauvais. Je l'ai sur mon arcade. J'ai l'un et le deux d'installer déjà. Robocop 2 sur arcade. Ça existe, ils ont fait deux arcades de ça. Ben, je l'ai ça la même, en tout cas. Fait que, il est là. OK. On explorera tout ça. Parfait. Donc, pour monsieur ou madame la belle qualité, c'est ça. On y va avec des jeux préhistoriques. On peut-tu en nommer deux, trois autres? The Humans sur Game Boy. Congo's Caper. Chub Rock. Puis tu les mets dans un arc. Adventure Island. Tu veux jouer à Death Note, là, le jeu de char là, qui t'écrase des piétons, c'est ça? Death Race. Death Race, ouais. Ouais, tu peux faire Death ça. Death Note, c'est un ennemi, ouais, ouais. Fait que voilà. Bambino Tacos. Là, je rappelle qu'on est sur Instagram. Hein, de là, les noms un peu. C'est vrai, cool d'aller sur Instagram. C'est ça. Salut Papa et Jeff. J'aimerais savoir quelle franchise de jeux vidéo vous aimeriez voir un retour en force. Pour ma part, Punch-Out ainsi qu'un nouveau Conquer serait merveilleux. Merci à vous. Merci et bonne soirée à vous deux. C'est deux bonnes. C'est vrai que Punch-Out, on est fucking dû. Et Conquer aussi, là, ça serait bien. On le répète tout le temps, nouveau Star Tropics. Moi, je dirais oui à ça. Ah, moi, je l'ai tout le temps aussi. Bayou Billy, là, un vrai de vrai qui fait du sens. Là. Mais c'est un jeu d'aventure. Ben, c'est pas une franchise. Ouais, t'as raison, c'est pas une franchise. Il y a juste un jeu. Puis c'est pas très bon. Fait, ouais, c'est pas... ben, ça serait faisable de le faire bon. Franchise, ouais. Moi, j'avais. Actraiser. Oui, le dernier, il y a eu Actraiser Renaissance. Et puis, c'était pas... Ah, sur mobile, ça? C'est ça? Non, non, je l'avais acheté sur Switch. D'ailleurs, il était supposé avoir une version physique, puis il l'a jamais eu. On suggère fait Alex Kidd? Is this right? Alex Kidd, il y a eu un remake, en effet. Un genre de remake, il y a quelques années, qui était très bon. Moi, j'avais bien aimé ça. J'avais Rygar en tête parce que c'est un jeu NES que j'adore. Ouais, mais ouais. Rygar, il y a un jeu d'arcade. Et puis, il y a eu aussi un jeu de PS2 qui est un clone de God of War. Et il l'a eu aussi sur Wii, qui est exactement, on dirait, le même jeu. Mais moi, j'aimerais ça un beau Rygar, le Metroidvania ouais, 2D, ouais. propre. Là. Puis Rygar au NES est un genre de Metroidvania quand même, je tiens à le rappeler. Un petit peu rough, là, mais quand même très bon. J'aime beaucoup le jeu. Là. Tout le temps, aimé ça, la musique. Tu sais, je ramènerais tout ça. Là. Ouais, ouais. Ça serait excellent. Inquiétez-vous pas pour les Bubble. Il y en a un nouveau qui va sortir. Ah, pour vrai? Oui, d'ailleurs, vous pouvez commander en précommande chez Retro MTL. Le meilleur magasin en ville. Un bon Castlevania 2D, of course, Jim. On souhaite tout ça. On l'aura jamais. Mais on est rendu à un moment où est-ce qu'on peut se dire ça serait bon d'avoir un vrai Castlevania nouveau. Qui a la licence? C'est encore Konami qui a la licence? C'est Konami. Tous les jeux de Konami, en fait, ils font rien avec leurs affaires. Là. C'est d'une tristesse infinie. Qui appelle Atari et qui fait ça, on veut faire comme vous autres. Là. Ouais, c'est ça. Du bon stock. Et c'est... Ils sont trop pris dans les pachinko et dans les machines à sous Konami. Là. Mais hein. Mais je pense il y a un nouveau Silent Hill, par contre, qui s'en ouais. vient. Fait que ça. Ça appartient-tu encore à Konami, ça? Ça doit. J'ai pas d'autres idées live de même pour là. Alors, Billy Bob Babarou. Ah ouais, là, on est rendu au bout où est-ce que j'ai besoin de toi. Est-ce que Daft Punk aurait mixé du Ninja Gaiden dans leur tune aérodynamique à 2 minutes 30? Alors, Billy Bob Babarou m'a écrit personnellement. C'est pas le même nom, mais en même temps, c'est impossible que deux personnes m'écrivent de la même affaire. Donc, je sais pas s'il pense qu'il a découvert ça. Je sais pas s'il a découvert ça. T'sais, il est tombé. Ouais, là, ouais. Il a fait le lien lui-même. C'est ça que je veux dire. Ou s'il a vu ça sur Internet. Alors, pour que vous compreniez bien à la maison, j'ai fait une séquence audio. Oh. Vous allez entendre en premier la toune Aérodynamique de Daft Punk. En fait, un court segment de Aérodynamique de leur deuxième album. Qui est tellement bon, c'est dans mon top 5 des meilleurs albums de tous les temps. Donc vous allez entendre ça et ensuite vous allez entendre un segment de Ninja Gaiden 1 au NES. Ouais, et vous me direz si vous pensez que Daft Punk a copié Ninja Gaiden. On part ça. Il y a un petit peu de blanc au début. Je suis pas convaincu. Doritos, c'est mon micro. Je suis pas convaincu. Mais je comprends. Mais. Oh. Excusez. Je comprends. Qu'est-ce qu'il veut dire? La variation de notes. Ça, il l'a pas dans Daft Punk. Là. Mais c'est le. Mais Daft Punk, c'est comme. Puis Ninja Gaiden. Ça va vers le haut. Et on dirait que Daft Punk, ça va vers le. Mais on est-tu comme dans Vanilla Ice? Genre, non, moi, c'est. Dans Vanilla Ice. Ça ressemble à ça, là. Ouais. Mais, je veux dire, en même temps, c'est de la musique, c'est juste une certaine façon que tu peux agencer des notes. Fait que c'est un enchaînement de notes qui se ressemblent. C'est dur à dire, pour vrai. Moi, ma prédiction est que. C'est un peu hasard. C'est un peu hasard, en effet. Ou c'est des gros fans. Fait. Mais Daft Punk n'ont rien inventé, là, de cet album-là. Tu sais, c'est tout des. Ils ont samplé 1000 affaires, là, puis des fois du 1 pour 1, là, quasiment. Là, ouais. Que beaucoup de cette musique-là est du sampling. Mais en tout cas, c'est intéressant. Ouais, merci ouais, de l'avoir partagé. Vous l'aurez entendu en primeur. Exact. Chez Papa Cassette. Faites-vous votre idée. On remercie Billy Bob Babarou. Babarou. Freddy, avec un 3 à place du E. Ouais. Joue. Freddy joue. Freddy joue. J'ai hâte au nouveau site web de Retro MTL. Un update. Ben, on l'a fait tout à l'heure, en fait. Donc, on vise mercredi prochain et puis ça pourrait être retardé d'une semaine si on réussit à ajouter une affaire qu'on veut qui soit présent. Ouais. Fait que. Maximum d'ici le prochain jour. Oui. Au prochain spectacle, mes chers amis, ça devrait être en ligne. Ou ça va être mis en ligne. Oh. Parce que le launch aura lieu mercredi. Parce que, ben, à moins qu'on puisse le faire début de semaine, l'autre semaine d'après. Mais pas jeudi, vendredi, c'est trop proche du week-end. S'il y a des bugs, des problèmes. Affaires, on veut se donner du lousse. Fait que c'est un mercredi au maximum qu'il faut launcher le site web. Alors, ça s'en vient, mon cher. Tom Fritchett. L'autre frère. L'autre frère. Quel est votre personnage pour Mario 2? Et Dom, regrettes-tu de ne pas avoir vendu ton meuble Nintendo à Retro MTL? Ben, je peux répondre pour le meuble. En fait, si je l'avais vendu à Retro MTL, ça aurait été pour un prix X. Et puis, on m'a offert comme un beaucoup plus. Je suis allé pour l'argent. Ah. Donc, je voulais de l'argent. C'est drôle parce que moi, je suis pas tant. Je sais pas si j'ai de l'air à l'argent, tu sais. Mais je suis pas tant à l'argent. Puis, je suis pas. J'ai juste peur, tu sais, d'en manquer. Je vais être safe tout le temps. Puis tout ça. Mais je suis pas un gars, tu sais, que je veux de l'argent. Si je voulais vraiment de l'argent tant c'est que ça. C'est pas ça que tu dégages, mais c'est des mots. T'en parles sans. J'en parle beaucoup. Mais t'en parles comme quelqu'un qui s'en cache pas que c'est ça le but pareil, là. C'est dans ben, c'est le but, Asti. Sinon, il y a c'est pas dans de... business pour ça, là. C'est... Exact. Mais, tu sais, je suis pas une personne qui va faire des moves plus pour essayer d'avoir plus d'argent, mettons, là, tu sais. Ben, ouais. Je sais pas comment l'expliquer, là. Mais dans ce cas-ci, j'étais comme, OK, là, je vais prendre plus d'argent. Puis je voulais mettre ça dans mon petit bas de laine. Parce que j'ai un petit bas de laine de jardin. Bon, j'ai un compte de jardin que j'ai appelé pour les projets. Et puis dans lequel j'emmagasine du pognon. Des ristournes. Des ristournes. Et puis des affaires de même, de l'argent qui me vient ici et là, des retours d'impôts, genre des affaires comme ça, des dividendes de mes entreprises. T'sais, quand j'ai de l'over, je le mets là-dedans. Puis je me dis, à un moment donné, on a besoin d'investir dans un projet, ça va venir. Mais là, ça vient pas, fait qu'en tout cas. Mais tu sais, mettons, j'ai vendu mes parts de l'arcade, ben là, j'ai tout mis ça là-dedans. Ouais. Là, il va falloir que je paye des impôts, mais un coût impôt payé, tout ça, je me garde un coussin. Fait que c'est allé là, puis ça va servir, I guess, maybe, à un moment donné, quand on a besoin de faire un move. ou quand j'en ai trop. Peut-être cette année, je vais essayer d'en prendre un chunk et de pitcher ça dans mes REER pour faire baisser les impôts parce que je pense que je vais en payer pas mal. Donc, mais je regrette pas. Je suis heureux de l'espace que ça l'a libéré au sous-sol. C'est sûr, quand je regarde des photos, je commence, c'était nice. Mais tu sais, je l'ai eu quand même très longtemps, ce meuble-là. Puis là, j'ai reperdu le contrôle complet de mon sous-sol. C'est pour ça que vous voyez pas souvent des photos de mon sous-sol ou de ma gaming room. J'en fais pas parce que mon sous-sol est un chaos buts de hockey, de tables de ping-pong, de racks de linge de hockey répandu à terre. Je n'ai plus de place à moi qui m'appartient. Fait que chaque chose de collection que je vous présente ici ou en ligne qui se rajoute à ma collection, ça fait juste se crisser sur le tas. C'est même pas... C'est placé ish, là, pis c'est sans amour, là, tu sais. Moi qui est une personne, tu sais, qui place parce que c'est affaires, ton espace, vraiment, là, pour c'est un plus bout, mon là, espace. Ouais. Je les nettoie, je les lave à toutes les semaines. Je descends en bas juste pour regarder, je remonte en haut. Là, je fais plus rien de ça, tu sais. Puis j'ai... Un jour, tu sais, je vais récupérer cet espace-là, puis là, je vais... Ah, tu sais, ça va être plaisant. Ah, mais qu'est-ce que... Puis peut-être qu'à ce moment-là, je vais me réennuyer de mon armoire Nintendo, mais je pense pas, parce que quand je vais récupérer mon espace, j'ai envie de faire du stock un peu plus custom pour mieux étaler mes affaires, qui fit bien. Parce que l'armoire Nintendo, t'es nice, mais de l'autre côté, dans le bas, tu fais juste comme rentrer des affaires là-dedans que tu vois jamais. C'est pas un présentoir, c'est caché un peu, là. Ouais, c'est ça. Puis dans le haut, ben c'est juste stacké un à côté de l'autre, tu sais, puis c'est massif, puis c'est comme Nintendo, mais de l'autre côté, c'est... Nintendo! Ouais, puis tu vois pas tant le stock non plus. Fait que je veux construire de quoi qui va être comme custom. En bois de chêne, là. Massif. Ben, il y a un magasin de bois ici à Montréal qui est une comme une entité. Quand ça fait longtemps que c'est là. Oui, je sais ce que tu veux dire, puis j'ai la démence moi aussi. Non, Asti, là, c'est une. Les gens à la maison, c'est une. Pourquoi j'ai entité moi aussi dans la tête? C'est pas ça que je veux pas en tout penser. Non, c'est là. Ça. C'est une. Ah! C'est quelque chose qui existe depuis super longtemps. Ouais, un landmark. Oui, mais j'ai pas le mot. Voyons, on est une institution. Oui, voilà. Bon, voilà. Il y a une cour à bois sur Saint-Laurent, dans le Mylan. Comme c'est une institution. Là. Puis il y a du bois là-dedans, un peu, des gros hangars pleins de bois. Puis je suis allé me promener là-dedans, des planches. Là, j'ai vu des bonnes épaisseurs. Ça fait pas trop cher. Je viens de faire de quoi de Christmas à la coche. Ils ont tout là-bas, ils te conseillent. C'est vraiment hot. Fait que je suis allé me donner le goût. Puis tout ça aura lieu dans 5 ans, je sais pas. Fait que voilà. Sinon, toi, JF, ton personnage de Mario? La princesse. Oui, moi aussi, vraiment. Toujours. Numéro 2, Toad. Sinon, Toad, mais... Moi aussi. La princesse. Pour des besoins différents. Oui. La princesse, j'aime bien voler avec la princesse. Absolument. Tu te penches, tu globes, tu voles. Tu vas très loin. Ah oui, de planer comme ça, là, c'est un game changer. Tu as des shortcuts que tu peux prendre dans les premiers tableaux. Genre, tu vois des plateformes, tu vas en haut, tu quittes des grosses sections du jeu. Ouais, c'est ça, de gauche à droite aussi en planant. Puis, mais elle déterre pas vite, là. Ouais, ça, c'est pénible en mots, t'as dit. Elle est slow. Toad est très rapide, là. Ouais, mais il saute pas haut, là. Ouais. Toad, il est hyper rapide, il déterre vite, il fait vite. Mais Chris, qui saute pas haut, il y a des segments, justement, que tu peux pas faire. Puis je trouve que Luigi, il est trop comme. Il est trop difficile à contrôler. Il est mollasse dans les airs, là. Ah ouais, il patine. Puis Mario, il est comme average, fait que je m'en crisse. Jamais. Je toujours la princesse. Puis je l'ai fait beaucoup, là. Mario 2, c'est un des jeux que j'ai fait le plus souvent dans ma vie, puis c'est tout le temps princesse, là. Sans aucune gêne. Ah, moi non plus. Bon, mon plaisir de Peach a commencé là. Plaisir d'utilisation de cette personnage-là. Mon problème de gambling aussi a commencé dans ce jeu. les machines à sous qui tournent. Hey, c'est tellement bon ce petit jeu-là de roulette là. Oh. Ça, puis mon anxiété commence dans le 3 quand il faut que tu matches 3 symboles. Absolument. Tout ça s'enchaîne. Tout est basé sur Mario. Ah. Mario. Mario. Fait que j'ai entamé une India Pale Ale, une IPA de l'alchimiste. Bonne petite IPA, là, de base, mais qui fait le travail. Ça fait le travail. C'est des bières de soif. Ben oui, on a soif, on mange des Dorites. Oui, très soif. Puis toi, tu t'es pas... J'ai vu dans la blanche. T'es très bon. Dans la blanche. Je suis dans la blanche. Puis toi, t'avais quoi sinon? J'avais la blonde. Lager, j'imagine. C'est pas une Pils. C'est qui là? Ben, c'est écrit blonde. Trois fois blonde. C'est OK. Là. Mais tu vois, ça, c'est quelque chose que j'aime un petit peu moins, par contre. Qu'ils disent pas c'est quoi? C'est quoi les... Tu sais, IPA, OK, blanche. Mais une bière blonde, c'est pas un c'est style. C'est très générique, là. C'est quoi? C'est la couleur, c'est pas la bière. Donne-moi des... Exact. Donne-moi des specs, là, tu sais. C'est une lager, c'est une pilsner. Houblonné, c'est une LS, c'est une... Tu sais, il y en a plein des sortes de blondes. T'es pas très houblonné, là. C'était correct, là. Non, exact. C'est bien correct. Fait que blonde n'est pas un style, puis rousse n'est pas un style non plus. Fait que donner des vrais noms, c'est agréable. Ça, c'est fini, là, je trouve, ce temps-là. Il est le temps de rééduquer les gens. Ouais, ouais. Parce qu'on peut se dire, ça, c'est pas tout le monde qui veut le boire de la microbrasserie, ça, ça les sécurise. Mais moi, je trouve qu'on est rendu over de tout ça, là. Puis le monde sont capables. Ben oui. Alors, tu sais, aussi, le packaging, il est très de base, là. Ouais. Tu sais, c'est clean, là. Ça fait la job, mais je trouve que c'est un peu dry. C'est un peu dry. Mais ça se boit très bien, ouais. Des produits très convenables. Très convenables. Bien oui. Flora Florent. Si tu avais le bon lieu, les bons associés et le financement, est-ce qu'un nouveau projet de bar d'arcade est une possibilité à moyen terme ou as-tu une clause de non-concurrence avec ton ancien propriétaire? Merci, bonne soirée. J'ai en fait une clause de non-concurrence, ah ouais? En effet, qui dure 5 ans. Alors, je pourrais pas ouvrir un bar arcade d'ici 4 ans et demi. Ou arcade, je sais pas, je suis pas sûr. Peut-être je pourrais. Ah ouais. Mais donc il y a une clause. Mais est-ce que j'ouvrirais un autre bar arcade? Je pense que non. Cependant, j'aimerais bien une arcade familiale rétro, tu sais. Puis je dis à mon partner, si jamais tu laisses aller, tu sais, puis que tu tournes la page ou whatever, moi je serais intéressé à reprendre les machines, tu sais, puis à faire de quoi avec ça, définitivement. Fait que c'est un peu ça aussi mon départ, tu sais. Moi, je voulais qu'on rebrasse les cartes avec ce projet-là, ouais, qu'on fasse autre chose. Mon partenaire, il voulait vraiment, ben lui, c'est ça sa vie, là. C'est un gars de bar, il a des bars, tu sais, il voulait vraiment le garder, tu sais, puis bon. Fait que j'ai préféré, tu sais, moi, j'avais plus envie, là. Ouais, je trouvais qu'on était allé au bout, puis tu sais, la rentabilité était plus assez là à mon goût. Puis voilà, fait que j'aurais pas réussi à transformer tout ça. Puis pendant 2 ans, je me disais, ah, tu sais, j'ai cherché, qu'est-ce qu'on pourrait faire, puis tout. Puis ça aboutissait pas vraiment. Fait que j'étais épuisé, et puis j'ai préféré. En même temps, tu peux pas lider deux projets de front comme Retro MTL et Arcade MTL en même temps pour développer les deux à leur plein potentiel. Je pense que tu vas te brûler à faire ça, là. Ben, c'est qu'il faudrait que je sois libre de le faire, tu sais. Mais moi, je suis salarié aussi chez Retro MTL, puis je suis comme un peu tenu d'être ici 5 jours par semaine. C'était correct, t'sais. T'sais, genre, tu pouvais comme te promener comme genre une petite abeille un peu partout puis aller juste faire des trucs, ça serait peut-être différent, là. Exact, tu sais, puis on a besoin de moi ici, tu sais. Je suis pas comme un investisseur invisible, tu sais. Non, tu sais, je suis ici à travailler, là, vraiment 5 jours par semaine, là, et plus en gossant à la maison un peu, quoi, pas tant. Puis à l'arcade, j'étais pas là, mais tu sais, c'était ces autres heures. Puis bon, des fois, il fallait que je règle des affaires ici dans le jour aussi. Mais tu sais, c'est pas fair non plus si... pour mes partners ici, si moi je m'en vais la moitié d'une semaine partir un autre projet, tu sais. Fait que c'est ça. Donc, c'est pour ça que je veux que Retro MTL soit le core de tout. Si jamais une affaire de même arrive, ben moi, ça serait l'arcade de Retro MTL. Et ça serait Retro MTL une autre affaire, tu sais, comme puis pour étaler tout ça, là. Puis dominer le monde. Ouais, oui. Le monde des jeux. Des jeux à Montréal pour commencer. Montréal. Alors, définitivement, c'est quelque chose que j'aimerais bien éventuellement, je pense, là, reprendre les arcades, le brand, puis voir qu'est-ce que je peux faire avec ça. Mais pour l'instant, c'est bien correct. Puis, je suis heureux de voir que ça roule bien puis que c'est encore là pour du monde. Puis là, j'aurais pas la tête à ça. Mais grâce à des gens comme toi qui vont sûrement nous donner des ailes, j'imagine. On va voir. Tout est permis après ça de faire des projets. Parce que c'est long faire des choses parce qu'on est empêtré dedans. Puis ce qu'on fait présentement chez Retro MTL, le site web, l'informatique, tout ça. Crime, si on peut... Laissez tomber un peu de laisse, puis nous, après ça... Mais c'est long pour des business comme vous autres quand vous utilisez des sous-contractants en business parce qu'ils ont d'autres clients souvent. Ouais. Vous n'êtes pas la... pas dire la priorité, mais il y a d'autres... C'est pas du temps plein qu'ils font sur vos projets. Exact. Fait que des fois, ça limite un peu, puis il faut... Tant que tu parles à du monde, ça brille, puis c'est long. Là, ouais. Ça va être peut-être un peu différent, là. Ben oui. Les gars, un call messenger de faire comme, peux-tu changer ça? C'est fait. Exact. Fait que grâce à ça, ben Colin, ça nous permet. Et quand Martine est arrivée ici, ben c'était la même affaire. Tu sais, elle a défait tellement de nœuds dans la corde que là, t'es comme, waouh, tu sais, on a de la corde, sti. On peut se pendre. Oui. Mais c'est bon signe, c'est parce que t'arrives à un point où t'es comme, ok, ben là, j'ai besoin d'avoir des spécialistes dans différents secteurs dans mon entreprise parce que oui. T'es assez gros, t'as besoin d'une bonne directrice, t'as besoin d'un bon gars d'ID, t'as besoin, fait que là, tu bâtis ça. Fait que ça propulse ces affaires-là. Puis après ça, ça te permet de te libérer pour réfléchir à comment, qu'est-ce qu'on pourrait faire, quelles autres avenues sais, puis là, mettons, les bières qu'on fait, c'est des idées, ça, qui nous viennent. C'est pas des gros projets, mais c'est des projets plaisants ben oui. qui nous donnent un peu de visibilité. Puis qu'on a, on n'aurait pas pu faire, mettons, si Martine réglait pas plein d'affaires ici, ouais, ouais. mettons, là, tu sais. Donc, c'est des exemples, tu sais. Donc, c'est ça. Tout ça, dans tout ça, c'est merveilleux. Incroyable. Incroyable. Incroyable. JC Goyette. Salut les gars. Gars. L'engouement et le lancement de... Et le lancement de Hollow Knight Silk Song m'inspire la question suivante. Avez-vous des bons souvenirs de lancement de jeu et ou console? Quels ont été vos moments favoris, anecdotes, bons coups d'une journée de lancement? J'aimerais vous entendre sur ce sujet. Lâchez pas et continuez votre bon travail. Ben moi, des lancements de console, je m'en sac. Avant que j'aie un magasin de jeux vidéo, ouais, je m'en sacrais, j'allais acheter ça plus tard. Et puis maintenant que j'ai un magasin de jeux vidéo, on a vécu la PS5 dans le COVID, fait que c'était vraiment de la merde. Là, ouais, ça, y en avait pas, puis c'était... Le lancement de la PS5 pour nous, c'était de répondre au téléphone pour dire « on n'en a pas ». C'est carrément ça. Puis la Switch 2, ben, ça a été le fun, là. Ça a été correct, le petit line-up. Ah ouais, c'était cool, tout, là. Mais sinon, des lancements de jeux, des jeux que j'attendais, là, plus, j'essaie de penser. Au time hockey à l'arcade, c'est une des meilleures soirées de tous les temps. Ah, un lancement oui. là, du jeu, je me semble ça. Là, fait que, mm-hmm. C'est mon meilleur lancement, ça, pour vrai. Là. Ah, j'ai ouais. perdu des grands bouts dans celle-là. Là, mais... Ah, on était, ouais. Ça, c'est un jeu indépendant qui se base un peu sur le slap look shot. Slap shot, là. Et c'est puis, vieux, c'est brun. Puis, les arénas en bois, là, puis tout. Le là. Monde, ça se tape dessus. Là, des grosses, bâtons des pas courbés. Ouais, c'est des palettes drettes. Hein. Des palettes drettes. Des moustaches de gars qui ont 22 ans, qui ont l'air d'en avoir 75. Là. Tu l'avais critiqué à Rétro Nouveau. Finalement, ça n'a pas été si hot. Là. Non, ça avait bien été, il me semble. Non, mais t'avais trouvé ça correct. Là, mais non, le jeu n'a pas levé. Là. Ouais, ah, pour ça, ouais. Non, mais moi, j'avais beaucoup aimé. Mais au début, c'était tough parce qu'il y avait plein de problèmes. Puis il avait mis un système de progression, fait qu'au début tu jouais mal, genre tes gars étaient chauds, genre, fait qu'il était super sloppy, puis ils l'ont enlevé après ça d'un patch au début parce que le monde était comme, je suis prêt de jouer à ça, c'est de la merde, les contrôles sont pas bons. Fallait que t'évolues d'arrêter ouais. d'être une ligne de garage. Une des premières affaires, c'est que genre le coach vendait le frigidaire à bière, puis là tes gars commençaient à patiner plus vite parce qu'ils étaient moins chauds. Mais ils ont comme enlevé, c'était du fucking génie, ça. C'était quand même du génie, mais c'était mal expliqué que c'était ça qui se passait, tu sais. Ouais, le monde juste comme, c'est bien sloppy, là. Mais c'était drôle parce que genre tu recevais des passes à palette, puis là tu faisais pas un slap shot genre d'une traite, tu recevais, puis tu faisais le slap shot après. Là. Ouais, ouais, ouais. Parce que c'est des gars de ligue de garage. Là. Mais ouais, ça a changé le nom, c'est devenu Bush League Hockey, je pense. Ok, ok. Je sais pas pourquoi ils ont changé de nom, mais ça existe encore. Là. C'est sur Steam, sur Switch. Puis c'était à Vancouver, ça a été développé ouais. à OBC. Puis les gens nous avaient envoyé un code, puis ils avaient même fait une vidéo. Comme le gars qui a créé le jeu ou le chef ouais, de l'équipe qui ont fait bon le jeu. Puis... Il disait bon là, eh bien on avait fait jouer ça sur l'écran à Arcade MTL. Tout le monde était habillé en hockey, puis il y avait le tournoi. Ah, j'avais joué des chiefs. Michael était venu avec sa guitare piano, puis il jouait des jingles de NHL 94. C'est qu'on avait de la batte 50. On n'avait pas fait un tournoi qui c'était genre beer mode, puis c'est juste à une main qu'une manette. Ah oui, beer mode à une main, man! C'était genre le joystick puis un bouton pour tirer, puis c'est genre juste ah, ça. Asti, man. À quelle belle soirée. Tout était thématiquement parfait. Là, ouais, ouais. Ça, c'est des souvenirs pour la vie, là, vraiment. Ah, ça, c'était fou. Là. Ça, c'était fou. C'était un très bel exemple. Ça, sinon, man, pour les jeux, à moins qu'il y ait un nouveau Castlevania, justement, des franchises que j'attends, là, tu sais... Ça me vient pas. J'ai pas fait partie d'événements de lancement, mais on a eu la chance d'aller à des événements Nintendo souvent. Là, ouais. Coup, la Switch, j'ai sorti, on avait été... La 3DS aussi. 3DS, on a fait une couple d'affaires. Ça, c'était trop très cool d'être invité comme média dans le temps d'aller là. C'est vrai. C'est vrai. Pour moi, l'ouverture de Zero Latency à Montréal, j'avais été invité, j'avais battu Talbot dans une compétition. Là, puis on avait été comme moi puis Bart, on représentait RDS là, dans le temps. Là, fait qu'on avait été comme RDS jeux vidéo. C'était cool ça pour vrai. Là. Pour moi, j'étais comme wow. Ah ouais. Ça m'a rendu à faire ça, c'est cool. Ça, Passion Project, je représente RDS, je viens à une ouverture de trucs de VR. Ah, RDS. Ouais. Quand Denis Talbot est venu ici. Vous avez vu, j'ai publié. On est revenu un peu sur RDS. Okay. Mario a fait tout ce qu'il pouvait. Là, ouais, mais c'est pas la faute de Mario. Il n'y avait pas les ressources. Il n'y avait pas c'était à Toronto, ça, là. Il n'y avait pas la force derrière. Il n'y avait pas l'intention. Ah, puis il y avait beaucoup d'irritants aussi. Genre, tu mettais une vidéo, puis il fallait que tu passes par genre deux fois le site, deux fois des pubs. C'était comme, ah, pourquoi, là? Oui, oui, c'est ça. C'était tout broken. Ah, ça marchait pas, là, l'affaire. Là. Ça marchait pas pantoute, tu sais. Puis ça aurait pu être vraiment quelque chose. Puis ils ont pas pris Talbot, finalement. J'aurais été en short sur RDS à un moment donné. Là. J'ai fait le test calorique de VR. Là. J'étais en short. Là, puis... Ah oui, ben, moi, je faisais mes épisodes là-dessus un peu aussi, des petites choses. Début, ouais. Au début, je faisais des articles aussi. Puis moi, j'ai été rencontré très au début. C'est moi qui ai conseillé Mario, tu sais, comme qui était gérant de l'arcade à l'époque. Puis moi, ils m'ont rencontré, là, puis là, comme de la façon qu'ils me parlaient, j'étais comme une pierre angulaire là, de ce projet-là. Je suis comme, oh my God, je vais tout lâcher, hostie. Il m'a venu ici, il va me donner, m'a tout apprendre sur le e-sport, puis ça va être malade. Puis ils m'ont juste comme ghosté. Hostie que c'était décevant, là. Talbot, même affaire, là. Il a fait des affaires, tout, il a fait un peu à TV, puis il est comme disparu, là. Ils l'ont jamais rappelé, je sais pas. Moi puis Matt, on a fait une couple de critiques vidéo. Il payait très bien les critiques vidéo, fait que genre on en faisait à tonne. Moi puis lui, genre n'importe quoi qui sortait de VR, on va faire 200 pièces. Ah ouais, vas-y. C'est vrai qu'il payait bien pour ça. Là, c'était pas long à faire pour moi. Là, genre. Il dit, je me suis mis pas, j'ai pas un polo, j'ai une chemise. Il, Mr. Super Rat, là. Ben oui. J'étais en chemise, c'est parce que quand j'ai rencontré des grands dirigeants d'entreprise, faut que je sois en chemise là. Ah ouais, c'est pour ça. Il a sûrement manqué le début d'ailleurs là. Ah, cool, il s'est commandé une Playdate. Cool Pook 179. Il s'est commandé une Playdate aujourd'hui. Donc, continue à parler de jeu. Moi, pense ça en avoir une à un moment donné. Y a-t-il des gens qui viennent revendre ça à date? On a eu une fois, puis elle était defect. On est très déçu. Mais juste une fois. Cool Pook, c'est Tom Fresh Duff. Ah, Tom Fresh Duff, man. Il est partout, il est partout. Partout, partout. Pose des questions partout. Mais je sais pas si je me lancerais tout de suite là-dedans. Je sais pas si j'ai besoin. Mais oui, moi, j'aime tout de ça. Mais je sais pas si j'ai besoin d'une affaire de plus dans ma vie. Le temps aussi, le moment donné. Là. C'est ça. Mais je suis sûr que tu triperais avant les jeux là-dessus. C'est ton style au bout. Là. Puis la crainte fait tellement de bonne job. Là, c'est... Jean-Michel Racine. Salut les gars! Là, il écrit vraiment en majuscule. Gars! Selon le dernier podcast de Next Gen Console Watch de IGN... La prochaine machine de Microsoft appelée Xbox Ally X pourrait potentiellement franchir les caps des 1000$ US. Pensez-vous que les gens comme moi vont se dire « De la merde, c'est ben trop d'argent. Je vais magasiner les générations précédentes. Plus que d'habitude. » Et que pensez-vous des hausses de prix du gaming en général? Merci bien. Les hausses de prix du gaming en général suivent l'inflation. Ça, je pense que ça va, là, mais les une Xbox à 1000$. T'as-tu au courant de cette machine-là? J'ai vu sa question. Je savais pas non plus... D'un Xbox Ally X, ça commence à être weird. C'est-tu qu'ils l'ont pas dans les noms, là? Non, ils l'ont pas. J'haïs ça, les noms qu'ils donnent dans Xbox, là. Mais 1000$, pour vrai, ça commence à être cher. Hein? US. Rendu là, pointe un PC. Là, c'est rendu 1500$ canadien. Avec taxes pis tout, là. Tu peux avoir un bon PC à ce prix-là. Ah, tu sais, le monde, c'est comme... Les PC, c'est compliqué. Hey, on n'est pas en 95. Les PC, c'est plus compliqué, là. Ah non? C'est Windows, c'est rendu assez stable, là, maintenant. Là. C'est plus comme c'était dans le temps, là. C'est pas slick Apple, mettons. Mais allez chier avec votre Apple. Genre, le PC est une meilleure affaire. Ouais, ben. Tu me convertiras pas à Apple, mais j'aime ça pour vrai. Les autres sont bons à Apple, mais. Non, mais PC, de dire c'est plus que genre. Mais le PC, c'est trop compliqué. C'est pas compliqué pour gamer. Là. Genre, t'achètes un PC prémonté, t'as rien à faire. Là. C'est sûr que, rendu là, t'as accès au prix Steam, tu mets ça sur ta télévision direct, c'est ta console, c'est ton ordi, c'est tout. Là. Exactement. C'est ce que je fais chez nous dans le salon. Là. Ouais. Mais oui, Windows est beaucoup moins complexe que c'était avant. Là. Ah, écoute, moi, j'achèterais jamais ma chienne de vie. À ce level-là, faut vraiment que tu aimes Xbox. Ah, tu parles de l'Xbox, ouais. Je crois que tu parles d'un PC, mais ouais. Non, mais c'est ça. Pourquoi, rendu là, tu ferais ça? Je comprends pas, parce qu'il y a du temps d'exclusif PC que tu n'aurais pas. T'as bien plus d'avantages avec un PC à ce prix-là, parce que tu aurais tout ce qui est Xbox, tu as accès au Xbox Live Arcade en ligne. Là. Non, exact. Ben, tu veux-tu essayer de trouver une image? Xbox Ally, donc A-L-L-Y-X. Si tu peux mettre ça à l'écran, on peut au moins voir de quoi ça a l'air, cette affaire-là. Mais je me demande si c'est l'affaire portable, là. Ouais, c'est ça, hein. Cette affaire-là va coûter ce prix-là. 1000$? Ben là, non. Non, hey, man. c'est comme un Steam Deck, ça, là. C'est un Steam Deck, mais tu sais, t'as le... Ah, OK, ils ont fait... Mais je m'en dis, c'est comme le Ally X, mais c'est ça. Okay, c'est, ils ont-tu racheté Rogue Ally X? Ça existe déjà, cette affaire-là, là, d'ailleurs. Là, c'est genre le Steam Deck d'une compagnie tierce, là. OK. Bon, ben, écoute, ils ont acheté ça, puis ils ont mis un X dessus. Acheté, mais genre, Ally X, tu vois, il... C'est la même affaire, là, Rogue. OK, là, mais là, ça va être un X. Tu vois, là. Ouais. Ah, je m'en calise de ça. Ben, c'est très cool. C'est des consoles portables de PC, là. C'est comme ouais. Le Steam Deck, là. Fait que mais si vous... qui veut ça? Voulez-vous ça? Moi, je pensais que les gens qui jouaient Xbox puis PlayStation, ils s'en foutaient du portable de même. Je sais pas, pour vrai, c'est... L'affaire-là, pourras-tu brancher sur une télé aussi? Oui, oui, tu peux. Ah, OK. Check ici, celle-là, là. Je sais pas si tu vois, je sais pas si c'est un dock, mais oui, t'es pas un plug HDMI en dessous qui va sur une TV, tu mets une manette, fait que ça devient une console. Ah, OK. Ça devient une Switch Windows, dans le fond, là, ouais, cette affaire-là. Switch DOS, là. Switch DOS. Switch DOS. Mais rendu là, je sais pas. À ce prix-là, je pense pas. Faut que tu veuilles vraiment un jeu portable. Ah, ouais, vraiment. C'est pour ça, là. Puis, anyway, la PlayStation 6 va passer le cap des 1000$ aussi, j'en suis convaincu, là. Tu sais, quand ça va sortir, je sais pas quand, ça s'en vient, dans deux ans. Ça là, va là. Leur faire mal, là, pour eux. Si vous trouvez que la Switch 2 est chère, la PS6 va être chère, yes, là. Ouais. Fait que, on s'en va tout vers là, donc je suis pas surpris non plus du prix des jeux, tu sais. Non, GTA 6 va coûter 115$. Là. Ouais, c'est ça, les jeux Switch, tout va coûter au-dessus de 100$ à cette heure. Soyez prêts, là. Hein. Alex Boudreau, quelle est la dernière console qu'on pourrait considérer rétro? PS1, PS2, GameCube, Dreamcast, autre? PS2? Ouais, ben oui, je pense. Martine avait un bon point qui disait que tout ce qui n'a pas besoin d'aller sur Internet, qui n'a pas besoin d'update ou quoi que ce soit. Donc, avant ça, c'est tout rétro. Ouais. Donc, PS2 en descendant, ça serait rétro parce que tu n'as jamais... Ouais, c'est quoi ton standard? PS3, il faut que tu mettes des mises à jour. Sinon, ouais. C'est toujours pareil. Là, c'était moins pire dans le temps. Mais ouais. Mais sinon, rétro, il y en a qui disent rétro, c'est cassette, c'est pas les disques. C'est sinon, les analogues sur les sticks, fait que ce serait PS1 qui est le dernier console qui avait pas les analogues. Ah ouais, mais ils en ont eu un moment donné dans une deuxième itération de manette aussi. Fait que GameCube, il y en avait un analogue aussi. Ouais. Mais ça commence à dater, là. La Wii commence à dater. La N64, tant que ça, il y a un analogue dessus. Ouais, t'avais raison, très mauvais exemple. Non, ça marche pas pour la fin. On dirait qu'on se pose toujours la même question. Pas mal souvent, il me semble. Ah, qu'est-ce ouais. qui s'arrête où le rétro? Cette fameuse ouais. question-là, il est où le rétro? Pff, le rétro, c'est un mode de vie. C'est un mode de vie. Mais c'est rendu très large. C'est tout ce qui est gaming d'avant. Ouais. Mais tu sais, Dreamcast, je veux dire, c'est rétro, of course, mais en même temps, c'est considéré comme c'est rétro. Propre, ouais, là, c'est pas comme regarde la vieille crise d'affaires. C'est... Sinon, rétro arrête au 64, dans ces eaux-là. Début 2000, les cassettes, ouais, peut-être. Là. Avant qu'on tombe un disque, peut-être. Ben, moi, en tout cas, les premiers disques, là, la Saturn, la Dreamcast, ouais. Pour moi, c'est rétro. Ouais, moi aussi, là. GameCube, c'est pas mal rétro. PS1, c'est rétro. Quand on met le jeu dans une console et qu'on start sans menu, c'est ça que c'est du rétro. Bon. C'est un bon exemple. C'est une bonne définition, ça. Julien Vachon, en tant que Joselois, donc résident de Saint-Joseph-de-Beauce, dont j'ai souligné au dernier épisode, parce que je viens de Saint-Joseph-de-Beauce, moi aussi. As-tu déjà loué des jeux au club vidéo du Palais? Donc, Madame Oiseau, comme je disais. Madame si Oiseau. Oui, quels sont les jeux que tu as le plus loués? Pour moi, c'était Donkey Kong Country 2 et pour mon grand frère, Chrono Trigger. Merci, bon show. Ça, c'est drôle parce qu'à Saint-Joseph-de-Beauce, sur l'avenue du Palais, qui est la route principale, la seule route qui avait une lumière, la seule place où il y avait une lumière. Il y a une lumière sur la route? C'était, ben, il y a une lumière dans le village, puis c'était là. Au coin de l'avenue du Palais et la côte. Puis le club vidéo était là, puis il n'était pas très gros, puis ça s'appelait le club vidéo du Palais, parce que c'est l'avenue du Palais, du Palais de justice, en fait, maintenant, il est juste à côté. Wow, je viens juste de faire le lien de ça. J'avais jamais 40 pensé. Ans de ta vie qui vient de s'écrouler. Oh, shit! Puis la madame qui avait ça était surnommée Madame Oiseau. OK. Et je sais pas pourquoi, mais en région, on donne tout le temps des surnoms à tout le monde, n'est-ce pas? Mais c'était Madame Oiseau qui avait ça. Puis lui, c'est drôle parce qu'il parle des jeux de Super NES qu'il a loué. Moi, j'ai jamais vu de jeu de Super NES. Là, ah ouais? Parce que j'étais déjà. J'étais parti, je pense, il n'y en avait pas. Parce que moi, j'ai loué des jeux d'Atari au club vidéo du Palais. Elle en avait dans son comptoir une couple, là, genre Pitfall 2, Frogger, un Double Ender de Sir Lancelot et Crossbow, là, genre. mène des affaires, tu sais, que j'avais pas, là. Fait que là, je me loin. Mario Bros, elle avait Mario Bros, puis moi, j'étais, wow, quel wow, man, c'est hot, là. Fait que moi, je louais des jeux Atari un peu. Je trouvais ça insane. Puis j'avais pas de Nintendo, mais elle en avait un peu des jeux Nintendo. Mais je me vais en louer, j'avais rien qu'un hostie d'Atari. Ouais. Fait que moi, pour Nintendo, j'ai loué plein d'affaires. Mais les derniers gros jeux que je me rappelle qu'il y avait eu, c'était Mega Man 4. Ça, c'était la grosse sortie, là, c'était hot. Et puis, des fois, elle avait des mauvais calls, tu sais. Elle achetait pas souvent des nouveaux jeux, tu sais, pour ajouter à son inventaire. Puis des fois, c'était comme fucking Boulder Dash, tu sais. Tu loues ça. C'est vraiment décevant. De tout le cadre, elle peut tout acheter les jeux. Là. Ah, elle a choisi Boulder Dash, genre, puis World Games, qu'on s'en calisse. Mappyland, tu sais. Ah, Mappyland. Mais à un moment donné, elle a acheté Gunnak. Puis ça, c'était fucking bon. C'est un shmup, ça, là. Ouais, je sais quoi. Chris de bon jeu, là. Puis moi, Gunnak, ça demeure, genre, ma découverte du club vidéo du palais. Puis je l'ai en boîte, puis tout. Puis, hey, man, c'est hot, Gunnak, là. Puis j'ai pris ça. C'est ça. Mais à un moment donné, il y a un autre club vidéo qui est ouvert à Saint-Joseph, le vidéo Dawson, qui est ouvert dans le centre d'achat. Okay. Ça, il y en avait un à Sainte-Marie. Puis il est venu compétitionner direct Madame Oiseau. Puis il s'est accoquiné à Beauce Musique, un magasin de musique qui vendait des disques et tout ça, et à un Radio Shack. Puis là-dedans, il y avait un employé aussi qui trippait comic books puis qui a rentré des comic books. Fait que t'allais dans Vidéo Dawson, puis quand ils sont arrivés, ils ont pas niaisé. Là, c'était un mur là, 6 fois grand comme celui de Madame Oiseau, que des jeux NES. T'sais. On capotait notre vie. Une belle affaire, là, x6. Ouais. X6, man. Puis il y avait les comic books, puis de l'électronique, puis de la musique, tout en même place. C'est là qu'il y avait des arcades où est-ce que un moment donné, il y avait Final Fight, un moment donné, il y avait Snow Brothers, un moment donné, il y avait In the Hunt. On avait tout dans le temps. On avait tout, c'est-tu, au centre d'achat de Saint-Joseph. Fait que Madame Oiseau, c'est-tu pendu après ça? Ou c'est... À farmer, man. À farmer, elle a disparu dans la brume. On la voyait beaucoup, Madame Oiseau, au bord de la tour. Ah! C'est là que tu pouvais la trouver après son chiffre. Mais elle était fine, là. C'était toute qu'une madame. Ben, ben, fin. David Caron. Bonjour les geeks. Dominique, après avoir fait faire tes deux tunnels carpiens, as-tu pensé à d'autres body modifications, genre des genoux neufs pour aller chercher le 7 bonus? Plus sérieusement, par contre, votre première expérience avec un jeu cinématographique, c'était quoi? Personnellement, Metal Gear Solid 1 va toujours rester mon premier jeu que j'avais la gueule à terre et les yeux pleins d'eau en regardant le générique. À ce moment-là, grâce à Kojima, j'ai pu voir dans quel type d'expérience que les jeux vidéo allaient nous mener. Merci pour le pestac. Bonne question. Fait que toi, JF... Jeu cinématographique. Jurassic Park, ça compte-tu? Lequel? Ben, celui au Genesis. J'ai joué au celui du Super NES en même temps, dans le fond, là, mais... Non, mais pas... C'est un jeu d'un film, c'est pas juste cinématographique, ouais. Ouais, c'est ça, qu'il y a de la cinématographie. C'est pas dedans. Quelque chose que j'ai joué beaucoup quand j'étais jeune, me semble, c'est ce type de jeu-là. Moi non plus. Tu sais, au Sega CD, puis les FMV, puis tout ça. Il y avait. Mais moi, je possédais pas là, ces affaires-là. Là. C'était trop récent. Puis, donc, ça prenait des jeux à disque de même. Puis. J'ai pas joué, tu sais, mettons, à Resident Evil, Tomb Raider. Moi, j'ai joué à ça, Resident Evil. Tu sais, c'est un peu... J'imagine. Sinon, j'ai joué à des points and click de PC, mais je sais pas si ça s'applique dans ce cas-là. Day of the Tentacle. Mist. Mist, non, mais c'est quoi? Gabriel Knight, The Beast Within. Des affaires comme ça, des jeux d'enquête, là, de d'horreur, Phantasmagoria, là, pis ça... Ben, ça compte, ouais. Je pense. Final Fantasy VIII. Final Fantasy VIII, ouais, ben, pour moi, c'est un RPG, ça. C'est pas tant... Ben, il y a des scènes, ouais, là, de personnages. Final Fantasy VII est un jeu qui a l'air d'un gros film. Là, je sais pas trop. Ouais. Tu dois répondre, ça, là, je sais pas. Ben, moi non plus. Ben, moi, Metal Gear, of course. Ben oui, là, mais moi si aussi Metal Gear compte là-dedans, moi, ça m'a... J'ai capoté là-dessus, là, vraiment. Fait que... Mais j'ai pas de meilleur exemple personnel autre que Metal Gear non plus, malheureusement. Ouais, mais non plus pas pour les cinématographiques. Pour ce qui est des body modifications, j'aimerais ça faire comme Marilyn Manson, me faire enlever des côtes pour pouvoir me sucer moi-même. Oui, oui, oui, oui. Tu sais, il disait ça, le monde dans le temps. Là. Mais non, ça, j'aimerais pas ça. Mais j'aimerais ça faire réparer des affaires. Tu sais, j'ai un pouce qui est pété à cette heure tout le temps, un orteil aussi, le dos, j'ai toujours mal au dos. Fait que j'aimerais ça faire arranger ces affaires-là. Et puis, ouais, grandir d'un pouce... J'aimerais ça être plus grand d'un pouce et demi. Plus grand d'un pouce. Un pouce et demi, deux pouces, là, j'aimerais beaucoup ça. Tout dans les jambes. Pour avoir une plus grande prestance. Ouais, ouais. J'aimerais ça. Alone in the Dark, New Nightmare. Ouais. les cutscenes de Klonoa. Ouais, ben là, c'est parce qu'il y a tellement de jeux avec des cutscenes à un moment donné. Toi, t'as-tu des affaires que tu feras arranger? Ah, mes genoux qui craquent beaucoup, là. Quand je monte les marches, nous, j'ai un des deux genoux qui fait comme à chaque marche que je monte, genre calique, là. Mais oui, j'ai mal au bassin un peu. Je suis un peu cassé tout partout, là. Ah ouais. Mais je me fais juste pas trop. Je me ferais juste gonfler un peu plus. Ouais, moi, les cernes aussi, je suis Je suis très cerné. Je suis cerné, moi. Ah, moi, je suis cerné à côté, là, c'est dégueulasse. Ben là, on le voit pas trop à TV, là, mais en vrai, là, gros cerné. Même moi, ben, c'est héréditaire. Moi, mon gars, il est cerné. Puis, genre, il dort pour vrai, comme calique, là. Le gars, il a 3 ans et demi, il est cerné que le Chris. 5 ans, 8 mois. Un plus gros pénis. Ouais, les gros pénis, là, hein, mais... Ouais, je suis satisfait de mon pénis. Mais c'est trop, ça donne rien. Ouais, c'est ça, ça donne à rien. Les filles aiment pas ça plus, là, si c'est trop gros. Genre. Un beau voyage en Turquie comme Sina pour se refaire mettre des cheveux. Ah ouais, il a fait ça, lui? Je sais pas si c'est en Turquie, mais il y avait un bout qui était comme ill, Sina, dans son retour. Puis là, il a dit... Vous m'avez boulié les fans à me faire mettre des cheveux parce que j'avais un trou ici. Puis genre, il s'est fait graver des cheveux, je pense. Ah. C'est drôle. Ouais. Mais non, je ferais réparer ces affaires-là. Là. C'est vraiment. Le pire, c'est le dos. Là. J'ai très mal au dos, mais là, je vais répondre à d'autres questions plus tard par rapport à ça. Mais je fais plus d'exercices, puis ça va mieux. Ah, ben, c'est ça que je suis en train de faire, là aussi. C'était partie de mon rangement de mon ça, c'est de récupérer mon espace gym aussi pour essayer de me remotiver. Moi, j'ai pas la motivation. Là. Non, c'est pas trop le temps motivant. Est très, très limité là, chez nous. Faudrait que je me lève à 6h le matin, puis je m'en vais à 6h, puis si je trouve ça dur. Là. Ah, ouais. Hein? Même si je suis réveillé dans mon lit à 6h depuis comme 3h de temps, là. Je me lève, je sais pas quoi, aller faire du spinning en une demi-heure en bas. Là. Ah ouais, non, c'est ça, c'est pas plaisant. Le monde qui font ça, chapeau, vous avez tout mon respect, mon admiration. Yannick Martin, un jeu dont vous entretenez une relation d'amour-haine. Les Battletoads. Ouais, c'est vrai, c'est un bel exemple. Toujours. Absolument. Amour-haine, c'est parce que je rejoue pas à des jeux que j'aime pas d'habitude. Là. Ben, moi, c'était ça mon raisonnement par rapport à ça. C'est pas. Si j'aime pas ça, à un moment donné, j'arrête. Ouais, Amour-haine, c'est Battletoads parce que c'est comme un défi. Là. Ouais, c'est ça. Juste pour impressionner les chummies, de le finir. Moi, j'ai de la misère avec Power Blade 2 au NES, qui est un jeu qui vaut quand même pas mal cher. Ouais, ouais. Et puis, Power Blade 1 est malade. Là. C'est dans le top là, des jeux NES. C'est vraiment bon. Et puis, mais le 2, il est différent. Il est différent. Il est pas loin, mais il est différent. Puis, il y a comme un moment donné, t'as un saut, là, un genre de saut pour voler. Là. Okay. Chris, c'est incontrôlable, ce Chris de saut-là. Puis, quand tu touches tout de suite un pic, tu meurs. Là. Fait que là, tu commences. Oh. Puis, j'ai fait ce jeu-là 3 fois, puis je bloque tout le temps à ça. Puis, il faut que je le finisse un jour, là, ce maudit jeu-là, c'est ridicule. Puis, je bloque là, puis ça me fait chier. Puis, je suis comme, c'est quand même bon, puis je bloque là, puis ça me fait chier. Fait que voilà. Dans le chat, le beau nom. Pixel et Gretel qui nous ben dit oui. Salut. Il dit qu'il est passé à Retro MTL la semaine passée. Première visite, beau magasin, papa. Ben merci beaucoup, cher ami. On a mis du jus de bras et la réflexion de cet espace. Ça para. Pascal Gertin, lâchons les jeux 2 minutes. Quels sont vos films cultes 80-90? Vous avez le droit de dire The Wizard, l'enfant génial, signé Fingercut QC. Il n'est pas présent ce soir dans le chat, d'ailleurs. Il doit être occupé. Il doit être en train de faire l'amour. On s'inquiète un peu, sinon. Ouais. On espère que c'est pour une bonne raison. Ouais. Un film culte. Wow, collègue joueur dans le chat qui dit que pour son amour haine de jeu, lui, c'est Indiana Jones sur Atari 2600. Ouais, ouais. Fucking compliqué, ce jeu-là. Là, j'ai jamais rien compris. Mais un coup que tu le comprends, je pense que ça doit être très bon. Ouais, ouais. C'est le même gars qui a fait E.T. en passant. Avec un peu cryptique comme jeu, mais un coup que tu sais, c'est quand même... C'est intéressant. Mais c'était quoi la question? Les films cultes. Fight Club, The Matrix, Le Jour de la Marmotte. Ah, mais ça, c'est plus 2000. Ouais, Le Jour de la Marmotte avant, mais... Ben, 2000. Qu'est-ce qu'il dit? Du 80-90 ou... Du 80-90. Ben, Terminator 2, j'étais jeune dans le temps. Bloodsport. Jurassic Park, j'aimais ça. Mais pour moi, c'était pas... Ghostbusters. Mais j'étais jeune, moi, 80-90. Je suis né en 83, fait que... Les Aventuriers du Saint Perdu. Ah ouais, les Goonies. Tous les films de la collection en fête, le Rock de Merce, là, moi, j'étais jeune, j'ai Tirelire, Combine et compagnie, genre des affaires. Moi, j'ai bien aimé ça. Coco Ferme est basé sur Tirelire et compagnie en passant. Ouais. C'est, bon, c'est un peu le même concept. Ils font une compagnie de nettoyage? Ils font une compagnie de avec Vincent Bolduc? Ils partent une ferme. Ah, pour vrai? Oui, puis ils vendent des œufs. Ah, ben. Puis ils se partent une business. Puis Vincent Bolduc, il joue dans Coco Ferme un co-personnage, là. Fait qu'il ouais. Robocop, Star Wars, Back to the Future. Ah, Robocop, oui. Tout ça, E.T., ouais. Back to the Future, pas tant. Pas, ben, j'ai beaucoup aimé le 2, là, mais j'ai pas. Tu sais, j'ai pas réécouté ça à fond ces films. Moi, oui, j'ai écouté très souvent Back to the Future. Slapshot. Slapshot. Pas le choix. Ah, man, The Crow, tu sais. Menace to Society. Un film de Hood, parce que moi, dans le temps, on était bien gangster rap, là, pis là, ça, c'était. Puis Natural Born Killers. Ah, oui. Requiem for a Dream. Ah, ça, c'est un film. Mais moi, j'accroche des films niaiseux aussi, là, genre Cadavre sur le campus. Là, ah, ouais. Je trouve ça tellement bon. Là. Dumb and Dumber. Dumb and Dumber. Double Dragon. Double Dragon. On l'a quand même écouté une couple de fois, Double Dragon. Man. C'est quoi le film avec Van Damme là, qui fait genre son jumeau, puis là, que là, il dit. Ah, il rêve que son Double Impact. Asti, j'étais allé voir ça au cinéma, man. Moi, puis. Ah, les Turtles 1, les Turtles 2. Dick Tracy, pas bête, ma sœur. Dick Tracy, j'avais pas aimé ça. Non plus. Faudrait que je réécoute. Peut-être que j'étais trop jeune, tu sais. Moi pis mon job mallette, on avait 14 ans, je pense, pis on est allé au cinéma, pis on est rentré dans une autre salle, pis on est allé voir Con Air. Qu'on avait pas l'âge. C'était ben, bon, hein. Ouais. Ah, c'était bon, Con Air. The Rock aussi avec. Ben, cette streak-là de Nicolas Cage était quand même très bonne. Là. Oh, il était une bonne lancée. Ah, Face Off. Ouais, ouais, ouais. Trainspotting. C'est toi, là. Ah, Trainspotting. Pulp Fiction. Il y en a plein, là. Forrest Gump, aussi. Oui. Je sais pas si c'était dans les années 90, je me rappelle plus, là, mais... Fin 90, je pense. Grâce, j'ai tellement écouté ce film-là souvent, là, c'est... Ouais. Ben, c'est assez... Son ex qui s'en va faire un flow, puis elle revient quand elle pogne le sida, Gedai. Ben, ouais, man. C'est ce que j'ai compris, en tout cas. Les Turtles, ben oui, là. Ouais, c'est ça. Charles Porter. Comment voyez-vous la soixantaine? Je me demande comment un entrepreneur comme toi prépare ses vieux jours. Ben, pour ce qui est de l'entrepreneuriat, moi te dire, j'y pense pas trop. Non, mais moi, je mets des REER depuis que je suis sorti de l'université, là, tu sais, au plus que je peux me le permettre, là, mettons. Moi, j'ai jamais été syndiqué, j'ai jamais eu de fonds de pension, j'ai tout le temps été dans le privé, en fait. J'ai déjà travaillé dans des usines où est-ce qu'il fallait que je paye le syndicat, même si je n'étais pas syndiqué parce que j'étais un étudiant. Ouais. Mais j'ai jamais été... c'est ça. J'ai tout le temps travaillé au privé. Me suis fait clairer des fois. Des fois, je suis parti, je me suis promené, travaillé à mon compte. J'ai mes compagnies. T'sais, fait que j'ai tout le temps été volatile de même. Alors, ouais, ouais. Pour préparer à mes vieux jours, il faut que je mette de l'argent de côté. Fait que je pile l'argent dans un compte REER que l'argent est placé. Puis j'espère que ça fructifie. Ouais, mais ouais. Ça fructifie pas vite. Non. Pour vrai. Puis là, je me dis, bon, ben, si je prenais ma. Ben là, j'ai 45 ans. Quand est-ce que je vais arrêter de travailler? Chris, 65, je sais pas. Mais en même temps, j'aime ça travailler, faut le dire. C'est ça aussi, moi. Mon père est à la retraite, puis il travaille comme il a déjà travaillé. Oui, retraite. C'est ça. Je pense pas que je serais capable. Moi, je suis pas comme, ah, si, rien faire, man, on me pogner le tchou. Non, je suis pas capable de faire ça. Je sais même pas si je vais avoir une retraite, même moi, là. Ouais. Je vais probablement tomber à temps partiel, à un moment donné. Peut-être plus ça, balance. Mettons 4 jours semaine, qui fait plus de sens. Ben oui. À mon compte, tu sais, je sais pas trop, là. Exact. Puis, tu sais, moi, je veux dire, la business, je sais pas, là. Moi, mon objectif, c'est que ici, cette business-là devienne le plus gros possible. Puis si à un moment donné, on veut arrêter, puis qu'elle est grosse, puis qu'elle c'est cool, ben on la vendra, puis on cachera une là-dessus. Ou ben, peut-être ouais. Qu'elle va se faire absorber sur autre chose, ou peut-être que... C'est ça, mais je sais pas. J'ai aucune idée, mais je veux vraiment qu'elle grossisse le plus possible et qu'on puisse faire de quoi de magnifique avec ça. Mais je veux vraiment qu'il y ait un landmark. Là. Je veux laisser ma trace là, dans le jeu vidéo au Québec, là, ben à Montréal, en tout le moins. Là, puis c'est ça. Ça, pour moi, c'est important. Puis pour l'argent, je sais pas. Ouais, on me dit réparer les piscines à la retraite. Faut que je paye les gars avec des tatouages derrière la tête pour ça. Ouais, c'est ça. Ben, tu feras tatouer en arrière de la tête. Ouais, ouais, quand j'aurai pris mes cheveux, je vais réparer la piscine. Mais j'aimerais. Mais moi aussi, tu sais, mettons, je suis vieux, là. Je vais sûrement me prendre un chiffre ou deux par semaine à la quincaillerie du coin, là. Ah, ouais. Compter des vis, là. Puis leur dire comment faire une meilleure job. Puis les juger. Puis là, de tout mon background entrepreneurial, de genre, Chris, faut changer ça, faut que ça soit plus performant, ce gars-là, on devrait le mettre dehors. Je serais jamais capable de me défaire de cette envie de performance et d'efficacité. L'affaire, par exemple, qu'il faut penser, c'est que dans 10-15 ans, le marché du travail, ça peut paraître du tout à cause de l'AI et de tout ce qui s'en vient en ce moment. Là, il y a un shift qui s'en vient en société là, en ce moment avec ce qui se développe. Là. Ouais. J'ai hâte de voir si ça va s'en aller ou maintenant on s'en va sur une genre de dystopie pendant un 10-12 ans, je pense. 10-15 ans même, là, genre tout va s'en aller AI, puis on va pogner un point de bascule qu'on va pouvoir revenir en arrière un peu. Là. Définitivement. J'ai l'impression. Ah, ben, c'est intéressant. Dans l'entrée des Walmart qui accueille le monde. Avez-vous joué à Castlevania aujourd'hui? Non, mais moi, j'aime beaucoup le travail. Mettons ici, puis là, je le fais pas parce que mon temps il coûte cher pour faire ça, mais... Tu sais, moi ici, nettoyer des jeux, tu sais, puis faire le ménage des fils, puis mettre ça propre, puis trier le recyclage, tu sais. Moi, c'est des affaires qui me remplissent de bonheur, là. Moi, mettons, tu me dirais, la semaine prochaine, Dominique, tu nettoies des jeux toute la semaine, j'ai comme, yeah! All right! Brain je mettrais des brain, hey man, puis je te roulerais ça, puis je mettrais tout ça en ordre, puis, tu sais, asti, là, ça, j'aimerais ça, là. Ça me motiverait au max. Des jobs manuels, de temps en temps. Mais, Adam, c'était ça, quand j'étais à l'université... À l'école, là, j'étais comme, ah, l'été arrive, enfin, je vais rentrer à la shop, me reposer un peu. Ouais, ouais. Puis la tête. Puis après deux mois, t'es comme, Chris, faut sortir d'ici. Ouais, c'est ça. C'est aliénant à un moment donné de faire la même affaire tout le temps, là. Ça te prend une bonne balance. Exact. Fait que. Là, tu gosseras le bois, rendu là. Ouais. Chez vous, dans le garage, avec un gros rabot, là. Un gros rabot, là. C'est drôle. Mais moi, j'aimerais bien avoir un chalet, par contre. Moi c'est aussi, quelque chose exemple, que je viserais. Acquérir un chalet et puis on va vendre le triplex site là, puis on va tout vendre ça, puis on va s'acheter un chalet, puis on va mettre ça propre, puis on va chiller là, puis on va J'aimerais ça avoir un chalet moi aussi là. Ouais, j'aimerais bien ça. En fait moi ça ou je vais avoir une fermette quand je vais être plus vieux. Ouais. Puis je vais aller checker mes cochons puis mes vaches puis une cabane mes... à sucre, qu'est-ce que. Ah ouais. Ça serait le fun ça là. Mais ben, pour une prendre... Allez, prendre des petites bières autour de la bouilleuse, c'ti. J'ai une cousine qui a ça, une fermette chez elle. Elle reste sur le bord des lignes, là, puis c'est tellement le fun. C'est super vaste. Des chiens partout, des chats, des poules, des chèvres. Let's go. Ouais. Oui, juste ça. Juste gosser sur mes affaires, là. Ouais. Et avoir des Atari, puis... Oui, tout le temps. Haute vitesse, pareil, là. Moi, oui, ça c'est sûr, tout le temps, comme le repère dans le... T'sais. Ouais, m'en va off-grid, mais je suis plugué sur le net, pareil. Exactement. Ouais, les résidences rétro gaming. Ouais, ben ça, on en avait parlé dans Rétro Nouveau. Arcade Soleil. Arcade Soleil. Ça peut être ça, notre business plus tard. Ben, on peut devenir les Eddie Savoie du gaming. Là. C'est quoi ça? C'est le gars qui a les résidences... Ah ouais, les résidences Soleil. Les résidences Soleil, ouais, c'est Eddie Savoie. Mais Kevin, il en parle souvent de ça. Là. Il dit, moi là, les gars, là, Arcade Soleil, là, c'est vrai, là, comme je veux. Il veut investir là-dedans. On pourrait avoir juste une succursale de nous autres, puis on, ça se repayerait direct. Là, mais ce serait une franchise à penser. Écoute. Une autre belle idée. On verra bien. Ouais. La soixantaine, pour vrai, début à 60 ans, je pense que je vais travailler encore. Moi, j'y pense pas. Je sais même pas si je vais passer à la quarantaine. Ah, avec toutes ces Doritos, là, on s'en rendra peut-être même pas jusqu'à demain. Ah, on est tous blindés en dedans. Tout est orange. Maxime Chartier, celui-même qui nous a offert ses Doritos et ses bières, merci encore. Quels seraient vos noms de lutteurs? Jay Carismo. Je sais pas pourquoi je changerais ça. Là. Ah ben oui, t'en as déjà un. J'en ai un et j'ai utilisé. J'ai déjà également été Yamasuko quand je luttais masqué. Mm-hmm. Je faisais un japonais. Ah ouais, tu faisais un japonais. C'est-tu que c'est drôle? On salue les auditeurs japonais. Ouais, je faisais pas aucune appropriation culturelle là, du tout. Là. Ouais. C'est, je sais pas, man. Moi, ça serait un nom qui existe pas là. Genre Balus Calaf. Ou, Balus? Ou ben Ricard Birto. C'est j'inventerais des noms. Juste comme... des noms à l'envers. Ouais, non, c'est ça. Lucas Louquet. Lucas Louquet. Je m'inventerais une affaire de même, je ferais voter. Il y a un gars dans les indies au stage, genre dans les petites fédérations, qui s'appelle Steven Flow, puis il rentre avec la tune de Even Flow. Mais tout le long, c'est Steven Flow. C'est malade. Là, c'est malade. C'est hot, la lutte indie. Oui. David Lescourt. Salut les gars. Outre les jeux vidéo, avez-vous des passions autres que vous désiriez explorer éventuellement? Je sais que Jeff trip barbecue et donne sur l'entrepreneuriat, mais y a-t-il autre chose qui vous allumerait, genre tricot, restauration d'œuvres d'art, s'ouvrir un OnlyFans? Merci pour votre excellent programme. J'aimerais ça être plus manuel, moi. J'aimerais ça faire, comme on parle de gosser du bois, là, mais être capable de bâtir des trucs avec du bois. Là. Ouais. Je me suis déjà équipé un petit peu, puis j'ai jamais rien fait avec ça, avec mes patentes, là, mais... Ouais. Moi, pour vrai, rien, là. Moi, présentement, ma vie est trop occupée là, pour mettre d'autres choses, là. Mais les chars, tu sais, j'aimerais ça avoir un... Mais en même temps, je n'aurais pas envie de gosser à la mécanique et d'apprendre comment fonctionnent les chars. Mais j'aimerais ça avoir des beaux chars. Mais un chalet, tu vois, pour moi, c'est un genre d'occupation, ça, là, un genre de projet. L'entretien de la maison, tu sais, avoir gardé ça propre. Ça, c'est quelque chose. Ouais, j'aime beaucoup ça, moi aussi. Nettoyer, tu sais, puis réaligner des nouvelles plantes, une nouvelle housse de barbecue, réparer. Passer la hausse de pression, c'est les dalles. Ah alors, oui. Comme ça, l'entretien de maison. Ah, yes. Ça. D'ailleurs, il me semble, j'ai vu qu'ils ont sorti Power Wash Simulator 2. Ouais, pourquoi pas, Chris, c'est une franchise à succès. Faites-les toutes. Faites-les. Hey, faites-en sur NES, Steve. On en parlait. Y'avait-tu une question autour de ça tantôt? Whatever. Ça, c'en est une. Power Wash Simulator. Power Wash. Faites toutes avec ça. Monseigneur Alex Neveu de la Verlochère. Joues-tu encore au hockey cette année? Si oui, ta saison commence quand? J'ai recommencé à jouer au hockey sur glace en tant que réserviste. Ah ouais? Donc, j'ai joué ma première game il y a 2 semaines. Et puis, je joue pas cette semaine parce que j'avais autre chose, mes enfants. Mais je vais jouer mardi prochain. Et puis, j'ai même recommencé le hockey Cozum. Ah, j'ai joué samedi dernier. Là, on est mercredi. Ouais. Je finis d'être raqué. Ah, oh, c'est clair. Ça faisait 2 ans et quelques que j'avais pas joué une game de hockey Cozum. C'est fun, le Cozum, ouais. Mais j'étais encore là. J'avais toutes mes skills. J'étais là, man, pour vrai. Puis j'ai eu beaucoup de plaisir. Fait que j'aimerais me remettre à 2 games de hockey par semaine. Une Cozum puis une sur glace. Et puis, pour ces raisons aussi, ça se pourrait que le show se fasse déplacer les jeudis. Et puis, pour accommoder aussi le fait que tu viennes travailler ici. Mais ça, on en reparlera plus sérieusement. Des bonnes chances arrivent, par contre. Exact. Stéphane Talbot. Salut les gars, hors sujet gaming. J'aimerais avoir vos impressions sur le fiasco de la SAC. Et si, selon vous, le remaniement va réellement changer la donne. Quand on parle de remaniement, on parle de Geneviève Guilbeault qui s'en va, qui quitte le transport pour aller... Pour aller où, donc... J'ai pas vu ça passer, OK? Oh. Mais ça changera pas. Le problème est pas là. Le problème est dans les entreprises de production d'IT, là. Mais toi, c'est ça. Toi, JF, c'est ça que tu fais, là. Ouais. Des projets comme ça. Exactement ça. Il y a un projet similaire qu'on n'a pas eu, genre, que j'aurais fait... Là, une autre affaire gouvernementale, mais c'est parce que... On prend le temps le plus petit soumissionnaire, ce qui est une erreur. Parce que souvent, ce qui arrive avec ces soumissionnaires-là, c'est qu'ils vont reprendre des systèmes existants, puis ils vont les intégrer dans les nouveaux systèmes, mais pas comme du monde, où il y a des limitations, fait que là, ça plante. Puis là, tu envoies une partie en Inde, puis là, tu as comme mauvais contrôle de qualité, puis c'est des dépassements de coûts, puis c'est de la mauvaise gestion, puis c'est du monde en place qui prennent des décisions de management qui ne devraient pas être là. Ouais. Ou qui n'ont pas la tête à comment tu développes tes affaires. Là. Ouais. Maintenant, il faut que tu aies des décisions, faut que ton planning fit avec ton développement. Là. C'est pas juste une question de chiffres, ça, là. Ouais. Puis c'est ça qui arrive, là. Puis je sais pas exactement ce qui s'est passé pour ça clique, pour que ce soit un fiasco aussi grand. Puis tu sais, j'ai vu dans le Journal de Montréal, je pense, il y avait des développeurs en Inde, ils savaient pas très sur quoi. Tout le monde c'est fait tout ça, le temps ça, genre. Ben oui. Moi, le projet que j'ai fait avant, je travaillais avec du monde en Inde, puis ils m'ont dit, j'ai jamais vu ça, un lead qui nous parle, parce que d'habitude, on reçoit de la job en Inde, puis on l'a fait, puis on l'envoie, puis on sait pas qu'est-ce qu'on fait. Ouais. Ils nous demandent des parties très précises, mais on sait c'est pas c'est ça qu'ils ont dit pour sa clique aussi. C'est ça qu'ils me disaient, le monde. Ce qu'ils me disaient, le monde en Inde, j'étais comme, c'est cave en esti, là. Faut que quelqu'un te parle, toi, là, pour t'expliquer quelque chose, là. Ah ouais. C'est là que moi j'avais take over, puis c'est pour ça que je me suis brûlé, parce que personne qui fait ça, deal avec le monde en Inde. Moi, je l'ai fait. Ouais. On a livré le projet, mais je suis comme, ben c'est ça, là. Il y a une partie de ça. C'est pas parce que t'envoies en Inde que c'est un problème, c'est parce que tu le gères mal, là. Exact. Exact. Et c'est ça, là. Le trop bas coût parce que tu prends un logiciel qui est moins bon, ça te coûte moins cher. Mais il y a une raison pourquoi. Pourquoi des il fois, est tu moins... payes plus, tu sais. Non, c'est ça. Puis, tu sais, tout ce que tu viens de dire là, tu veux prendre une décision, ben là, ça passe par des comités. Puis là, ça passe par un plateau de ci, un plateau de ça, puis c'est fucking long, là, tu sais. Puis, tu sais, souvent, t'es en. Comme là, je suis un nouveau projet, mettons, à job, on est en. Pour recherche et développement, mais t'es en phase d'analyse avec le client, puis là, il boxe des affaires, puis comme, OK, on va tout faire automatiser, sauf telle patente, on va le faire manuel. Je suis comme, mais tu viens tout casser notre système, là. Ouais. Puis c'est toutes ces petites affaires-là qui font des failles, qui font que ça casse, puis là, t'as du monde qui embarque sur le projet, qui savent pas, qui viennent casser. C'est un bordel, là. C'est ça. Des meetings, Steve. T'es tout le temps en meeting, ça coûte une fortune de meeting. Hey, des cités meetings, il y a genre 25 personnes, t'en as 2 qui parlent. Pourquoi ça coûte genre 100 000 ce meeting-là en ce moment, là? Oui! Ça me fait capoter. Là, ça n'a pas de calice d'allure. C'est des affaires que je regarde puis que moi je rapporte au monde en haut, puis il y en a qui écoutent, il y en a qui écoutent pas ce qu'on dit, là, tu sais, mais c'est ça, là. C'est, hey, Chris. C'est tout ça, hein. C'est le lot de délai des grosses business intenses, là. Exact. C'est tentaculaire, puis genre, tout le monde a une job, mais en bout de ligne, ça prend un chef de un conducteur, là, quelqu'un qui lead tout ça, puis la personne qui lead n'est pas nécessairement la personne qui devrait. Ben, qui devrait ou que, genre, les connaissances techniques pour leader comme il faut, là. Ouais. C'est ça. Collègue joueur qui dit « Le remaniement ministériel ne va pas changer grand-chose. La CAQ a eu trop de mauvaise gestion dans plusieurs dossiers. » Ouais, ils repasseront pas, anyway, la CAQ. Ben, la CAQ, c'est terminé. Là. Fait que même s'il déménage Guilbeault à... Chris, j'ai oublié où est-ce qu'elle allait l'envoyer, mais où est-ce qu'elle l'est envoyée. Mais on s'en calisse, là. Municipal, c'est... qui dit collègue joueur. Ah oui, aux affaires municipales. En effet, en effet. Après avoir dit le troisième loin, que ça allait... le troisième lien que ça allait arriver bientôt, c'était lié à les études et tout. Là, ah ouais. Et quand elle arrive avec ses gros dossiers, elle se dit que c'était... Cette femme-là, avait j'avais tout l'impression qu'elle me mentait en pleine face. Ah, ouais. Mais putain, infoman qui vient pas du tout biaisé, genre ce qu'il dit. Non, c'est ça. Je suis tellement déçu de la CAQ. Moi, j'ai voté pour la CAQ. Moi aussi, à cause de la gestion de la COVID. Oui, moi, j'ai trouvé que c'était correct. Ils ont serré la vis un peu, ça a copié. À la fin, j'avais hâte que ça finisse. Ouais, moi aussi, mais c'est correct pareil. Là. Ouais. Puis moi, je croyais beaucoup au penchant nationaliste de Legault, tu sais. Puis même que je m'en ai, je me suis dit, il va virer son capot de bord, puis il va. Puis non, il a tout c'est ce qu'il un faut. Banquier, il là, va c'est, faire c'est... De ce province-là un pays. Il va nous le proposer, esti, puis on va tout embarquer. Puis Chris, j'y croyais, là, de ses moves, de ses connaissances du monde des affaires, tu sais, puis d'appliquer ça pour que ça marche. Chris, man, il a tout chié, esti. Oui, tout, pas... Comment tu peux tout chier de même? Comme ça. Là. C'est incroyable, tu sais, comment... Il l'a échappé, là. Hey, man, il l'a échappé, là. C'est terrible. Terrible. Mais en tout cas... Mais dis-le, en tout cas. Mais ça va rien changer, ce le troisième lien... Quel joke, le troisième lien. Pas de tramway. Lien. Faites donc du transport en commun qui fait du sens, esti, là. Ah, ouais. Le REM qui est tout le temps pété, calice. Je peux même pas aller travailler au bureau. Ça. Tout le monde le veut, ce ouais. REM-là. Là. J'y allais au bureau avant, puis ça me tente pas d'aller travailler au bureau, puis j'y allais parce que je prenais le REM. Là, il marche pas, il va finir à 8h. Chris, là, je peux pas aller. Ah, faut se prendre un autobus qui t'attend. Non, non. Ah, non. Arrangez-moi ça, s'il vous plaît. Là. Ah, c'est l'enfer. Man. Tout pète. Tout va mal. Tout est de la merde. Jim Gendron. Jim. Qui est dans le chat. Salut les gars, si vous allez à Disney, quel serait votre top 4 des parcs thématiques à voir absolument? Il y a 4 parcs à Disney. Moi, je sais pas, je connais pas ça. C'est Magic celui de Mario, j'imagine. Ah, ben là, t'es rendu à Universal Studios, Mario. Ah, Disney, ok. Il y a 4 Disney. Ben Disney, t'as genre Magic Kingdom, Epcot Center. Ben Epcot Center, Epcot. Ça s'appelle plus Epcot Center depuis 88, là, genre. Magic Kingdom, Epcot, Animal Kingdom, puis Hollywood Studios. Ok. C'est les 4. Ah, je connais pas ça. T'as deux parcs aquatiques, t'as une place de boutique. Fait que j'ai vu que je rate les parcs. Là, c'est... Il y en a un que t'es pas allé? Mais non, là, j'ai tout fait de fond en comble 15 fois. Là, dans ces okay, toi, tu es un gars de Disney. Moi, je connais Disney par cœur. Alors, ben, je m'intéresse plus à Disney depuis une couple d'années parce que ça coûte. Tout a monté là, depuis la COVID. Mais là, c'est rendu une destination beaucoup trop riche. Là. Ben ouais. Et je veux pas aller aux States pour l'instant. Là. Ouais. Mais c'est parce qu'ils ont chacun leur particularité. Là. Genre, moi, j'ai du fun dans tous ces parcs-là. Mon préféré, c'est Hollywood Studios parce que j'adore les films, probablement. Là. Ouais, c'est ça. Hein. Et mes manèges préférés sont là. Mm. C'est ça. Bon, ben, Hollywood Studios, it is! Hollywood Studios! Coots, Steph, pourquoi Nintendo publiera New Super Mario Bros. Wii Deluxe sur Switch? C'est comme une joke, ça? Je sais pas. Attends, il y a eu un New Super Mario Bros. Wii U. Mais là, Wii Deluxe sur Switch. Il parle du jeu de Wii, je pense. Celui avec la pochette rouge, là. Ouais, probablement, ouais. Mais là, si on fait d'autres jeux plus récents sur Switch, vont-tu aller en arrière pour refaire celui-là? Je penserais pas non plus, rendu là. Fait que notre prédiction est... Non. Jamais. Jamais! Marc-André Nadeau. Avec le remaniement ministériel prévu aujourd'hui... Est-ce que cela va donner un nouveau souffle au gouvernement Legault? Non. Ben, on vient de répondre. Voilà. Absolument pas. Absolument pas. On y croit plus. C'est terminé, Legault. D'ailleurs, le Parti québécois est quand même assez en avance présentement. J'ai vu une affaire de sondage aujourd'hui. Libéral en arrière, un peu. Puis, les conservateurs, quand même, creux, même s'ils sont loud. Ouais. Ils n'ont pas beaucoup de votariat. Pas parce que t'es loud que genre, le monde t'écoute. Là. Ouais, c'est que, ouais, que tout le monde pense comme toi, apparemment. Ouais. Et puis Québec solidaire dans la cave, of course, parce que les partis de même. Ouais, les partis de gauche, présentement, n'ont pas très la cote. Non, puis en plus, Nadeau Dubois est parti. Là, fait que c'est... Ouais, c'est ça. Mais, tu sais, moi, bien sûr, je suis full, vous le savez, Parti québécois, souverainiste, ouais, moi, c'est là, bloc. C'est pas caché du tout, là. Exact. Mais là, tu sais, ça va, j'ai comme l'impression que ça va être par défaut, tu sais. Parce que le monde, ils vont pas voter CAQ, là, c'est fini, là, mais c'est souvent ça le, qui arrive dans les élections. Tu votes par défaut ou tu votes contre un autre à la place de voter pour quelqu'un, là. C'est... Ouais. Mais là, l'espace, les libéraux, ils ont rien. Là, non, non, c'est pas le temps. Et est-ce que c'est merveilleux, ça, que les libéraux aient rien depuis des années? Tu sais, il y a juste les Anglais qui votent libéral, là, tu sais, comme... Ben là, il y avait la CAQ, tu sais. Le monde a voté pour la CAQ parce que les libéraux avaient rien. Ouais. Puis, tu sais, comme quand... Si Jean Charest est libéral, ça met un poids couillard, esti, puis ouais, ouais, tout ce monde-là. Puis là, le monde les écoute, puis ils pensent que c'est bon pour eux autres. Mais, puis là, la CAQ arrive, puis là, libéral, c'est comme... Fait que qu'il n'y a pas assez d'anglais pour... présentement pour... présentement, il n'y a que les Anglais qui vont voter libéraux. Libéral. Fait que les autres Québécois, ils vont voter quoi? T'sais, le PQ. Probablement. Puis un restant de CAQ, puis un petit peu de ci, un petit peu à de voir, ça. Fait que, le Parti Vert, le Bloc Pop, le Parti Rhinocéros. Mais pour vrai, si le Parti Québécois passe, ils seront sûrement pas majoritaires. Là. Mais j'espère qu'ils vont faire une bonne job, t'sais, puis qu'ils vont réussir à calmer le monde. Puis là, PSPP, bien sûr, il mentionne qu'il veut faire son référendum au plus vite. D'ailleurs, j'ai répondu. Puis Olivier Primeau, il a fait une publication. Lui, il publie 4 fois par jour ce qu'il pense. Là. Puis j'avais répondu à un de ses publications qui disait que lui, il ne devrait pas faire un référendum tout de suite. Puis il devrait prouver qu'il est un gouvernement efficace avant. Puis je suis d'accord avec ça, oui. Mais aussi, puis j'ai donné l'exemple, quand Parizeau est arrivé au pouvoir avec le PQ à l'époque, il a fait le référendum à l'intérieur de la première année. T'sais. Mais c'est la ligne 1 du parti. Là. C'est... Oui, c'est ça. Mais en même temps, bon, Parizeau, il était organisé. Mais moi, je lis les livres de PSPP, puis j'écoute ce qu'il dit. Puis PSPP, c'est un intello. Là. Oh, ouais. Quand il écrit quelque chose sur Facebook ou whatever, c'est genre 8 paragraphes de long. Là. C'est des dissertations immenses à chaque fois. C'est pas populaire, ça, les intello. T'sais. Mais c'est drôle comment est-ce que le Parti conservateur puis tout... les gens sont en colère, ils disent on devrait faire réduire la taille de l'État, mettons, tu sais. Chris, c'est ce que le Parti québécois propose de faire aussi. Ouais, ouais, ouais. Il y a plein d'affaires qui sont exactement en synergie entre le Parti conservateur et le Parti québécois. Mais le Parti conservateur, mon Dieu, c'est de woke, vous êtes tous des woke. Mais tu sais, non, calmez-vous. Tout le monde veut de la richesse, tout le monde. C'est à ça que ça sert, là, essayer d'avoir l'indépendance du Québec. Faut que tu sois un bon vulgarisateur là, aussi pour expliquer aussi. Ça au monde, là, parce que c'est pas tout. Il n'y a pas tout le monde qui comprenne ça ou qui ont l'intérêt de comprendre ça. Là. Non, puis il y a beaucoup... Chris, man, les libéraux ont fait peur au monde depuis tellement longtemps. Puis que les libéraux au fédéral aussi a du poids. C'est, le monde, ils ont peur. Fait que là, on élit du monde qu'on pense qu'ils sont safe, comme fucking Carney. Puis ici, on pense qu'on est des trous de cul au Québec. On se dit trous de cul parce qu'on se dit qu'on est des... pas capable de... course, on a les exemples, là. Ouais. Nordvolt, ça clique. Comment tu veux que le monde pense qu'on est capable de gérer quand des hosties d'affaires de même arrivent, tu sais? Fait que tout ça, c'est ridicule. On a l'argent, on a les ressources, on a tout, mais Chris, je pense qu'on est capable de mieux gérer aussi si on garde tout notre argent et notre pouvoir décisionnel ici, tu sais. Il n'y en aura pas tant que ça tout le temps des fiascos de même. Puis on va y arriver. Moi je suis positif là-dedans. Aujourd'hui, comme Pixel et Gretel, on va finir sécher dans le quai de niveau avec des factures. Exact. Ça fait. Qu'est-ce que vous pensez des personnes qui prient dehors? Il y a eu une petite polémique là, sur les prières publiques. Là, mais je sais pas si c'est par rapport à Gaza, tu sais, puis tout ça. Non, ce que vous voulez. D'or, prier, c'est un temps de prix d'or. Ben, je vous ai pris whatever, là, mais en même temps, tu sais. Non, mais ça bloquait-tu quelque chose? C'est genre, t'es dans un parc puis tu pries whatever. Fait que t'as le droit de faire ben, ça. Ben, je pense que c'était des rassemblements là, de monde. Là, OK. Fait aller prier dehors dans un parc ensemble. Ouais, comme au lieu de faire du yoga, aller prier. C'est ça, tu sais. C'est whatever. Mais bloquez pas la voie publique, tu sais, puis laissez. Allez pas sur le pont Jean-Cartier en plein heure de pointe, bloquer toute la rangée de chars pour prier. Là, je vais vous haïr, mais. Ouais. Mais je ne suis pas assez renseigné comment est-ce que se passaient ces prières-là. Mais, tu sais, priez pas dans les écoles, tu sais, puis c'est ça. Il y a des choses à respecter quand même ici. Là. Et puis, Félix Beaudoin Duval nous demande, avez-vous essayé le nouveau Hollow Knight? Non. Silk Song? Moi non plus. Ça viendra... J'ai même pas joué à Hollow Knight de toute façon. Fait que non, même pas non, le premier. Non. Gros jeu, grosse cassette. Ouais, je sais, tombé dans une craque. J'ai pas joué à ça. Là. Grosse craque chez nous. Ben, je vais y jouer, mais il faut que j'en fasse d'autres avant. Là. Ça va être genre le long dessert là, que je vais prendre. Là. J'ai d'autres parties du repas à faire avant. Dominique Ostigui, quelle maladie, trouble de santé vous fait le plus peur en vieillissant? Ben moi j'en parle souvent en riant, mais c'est un peu vrai, c'est la démence là, puis la perte de mémoire. Tu sais, je regarde Bruce Willis présentement, j'ai peur de devenir ça. Tu sais, ma grand-mère a fait de l'Alzheimer. Ah, ma grand-mère aussi fait de l'Alzheimer, une de mes grand-mères. Mon père présentement, il a 75, vient d'avoir 75. Il oublie pas rien là, mais tu sais, il est pas vif, tu sais, comme il était, mettons. Tu sais. Puis il peut oublier des... Mais peut-être aussi que mes affaires sont trop compliquées. T'sais. Je sais pas quoi. Mais tu vois, tantôt, je cherchais Wikipédia. Puis je suis comme, voyons, c'est le site web, là. Mais sais-tu pas que j'ai la tête trop pleine tout le temps? Non, c'est parce qu'on est live, on est en direct, on essaie de faire du contenu vite, là. C'est ça aussi, là. On n'est pas préparé, on n'a pas de notes, là. On fait tout ça de notre cerveau, là. Ouais, ben ça, oui, ici, maybe, là. Mais des fois, c'est très banal. Chez nous, avec la blonde, puis là, je suis comme, tu sais, le... Voyons, tabarnak, c'est quoi le nom du voisin? Si je faisais, là. Je me retourne dans la bouche. Si, je mange, prends des ciseaux. Ah, c'est ça. C'est ce que je faisais en haut. Les ciseaux. Ouais. Ça me fait peur. C'est ça. Mais c'est parce qu'on a trop la tête pleine tout le temps, tu sais. Mais les gens me rassurent en disant que c'est ça. À voir. En même temps, disant, tu t'en rends-tu compte si t'as ça, maintenant, ça vient juste un légume tranquillement. Non, mais tu t'en rends peut-être même pas compte, genre. Ben, moi, je m'en rends compte. Le bout où tu t'en rends compte, ouais, que tu t'en rends compte, puis ça s'en va tranquillement, ça doit être épeurant, là. Ouais, ben là, je pense pas perdre des grandes fractions de mon cerveau. Mais même que c'est rendu que je développe des réflexes, mon cerveau développe des réflexes pour rapidement trouver des façons de contourner le mot que j'ai oublié, là, tu sais. Mettons, je voudrais dire une manette, tu sais, puis j'ai oublié, là, tu sais. Fait que vraiment, c'est le fun de jouer avec ça, tu sais, au lieu de dire manette, je vais même pas nommer manette, puis on va rentrer dans le. Tu sais, comme c'est des. Le cerveau, c'est bien fait, hein, quand ça contourne, ça s'arrange pour que ça marche. Plus peur du cancer que de la démence, par exemple. Ah, moi, j'ai pas peur de ça. Moi, c'est parce que c'est comme random. Ouais, c'est mais comme tomber, ça tombe dessus. Ouais, mais moi, j'ai plus peur de comme non diagnostiquer. T'es comme, c'est un phase 4, il est trop tard. Comme, on calisse, j'ai pas l'incendie. Ouais, j'avoue. C'est plus ça que je suis comme. C'est quand est-ce que tu sais que t'as un symptôme que genre, hey, j'ai peut-être quelque chose. Ben, mettons, quand t'es fatigué. Non, mais je suis tout le temps fatigué, j'ai le temps de la piscine à cause souvent. Tu sais, des affaires de même. Tu penses à des cordes souvent, tu check des nœuds chez vous. Rajoute des beams sur ton plafond suspendu que ça tienne bien solide. C'est ça, c'est tout des, des... T'achètes des machines de casino pour jouer chez vous. Puis... C'est tout des voyants qui allument ça, GF. Faut savoir les voir. Ouais, mais tu les oublies. Genre, tu rappes ça d'alcool et de gambling. Tu remontes en haut et t'as oublié. Si je faisais en haut déjà. Je me rappelle plus. Hein, Oh boy. Hey, là, il va falloir clasher, je pense. On avait de l'avance à la première partie du show, puis là, on est je pensais qu'on allait faire genre une heure et demie tantôt. Ouais, moi aussi, c'est-tu. OK, on continue. Francis Thibault, quel jeu mériterait d'être essayé par tous, même si c'est pas leur genre? Castlevania, Symphony of the Night, pour explorer ce genre, très important. Galaga, Pac-Man, faut que tout le monde joue à... Ben, Miss Pac-Man. Donc, joue à... Tu sais, c'est une expérience. C'est quelque chose, c'est un landmark, c'est intéressant. Et pour les first person shooters, tu sais, c'est. Dans le fond. Space Pirate Trainer en VR. Ah ouais, ok. Le jeu là, que t'avais joué chez nous, mané, genre que t'avais rentré à la porte d'Agamemnon. Puis t'as des ennemis qui lèvent qui flottent, puis là, tu peux docker avec des shields, puis tu sais, genre juste ça. Là. Ah ouais, ça. Voici le VR, tout le monde. Hein, ça, essayez ça. Là. Ben, Guitar Hero, man. Oui. Ça, c'est vraiment spécial. Guitar Hero Rock Band, genre, c'est ce genre de truc-là, ouais. Ouais. C'est bon. Voilà. C'est répondu. Barbu Deville, est-ce que JF a déjà joué à Retromania? Si oui, j'aimerais avoir son avis. Non. Bon. Pendant que tu cherches une image de ça, on passe au prochain. Emilio Gusto. En étant entrepreneur... Emilio! En étant entrepreneur... Attends un peu, c'est qui ce gars-là? Je veux le voir. Il a l'air d'un gars... Il y a des bonnes notes, Retromania. En étant entrepreneur, avez-vous du temps pour jouer aux jeux vidéo? Et surtout, est-ce que vous sentez des fois overwhelmed des jeux vidéo après avoir passé une grande partie de la journée à travailler dans ce domaine? Moi, j'ai du temps. C'est pas tant le fait d'être entrepreneur. Tu sais, entrepreneur, travailler comme 24 sur 24, je trouve pas ça sain. Est-ce que je pourrais travailler plus en tant qu'entrepreneur, faire plus d'argent? Certainement. Mais j'aime ça, être bien chez nous, puis relaxer à la fin de semaine. Fait que j'ai pas ce désir, genre, de me défoncer pour faire plus de cash puis la business. Grinder. J'ai grindé bien des affaires, tu sais, par passion. Ça m'a mené ici. J'ai pas grindé des affaires par le but de faire plus de cash possible. Donc, c'est pas l'entrepreneuriat qui m'empêche de... Puis j'ai tout le temps été à la maison, j'ai vu mes enfants grandir, j'ai jamais raté une pratique de hockey. Tu sais, je suis là, je fais la vaisselle. J'ai rarement été absent pour mes business, tu sais. Donc, l'entrepreneuriat, c'est vraiment plus mes enfants qui grandissent puis la liberté familiale qui me permet de gamer. Puis non, je peux pas dire, même si je baigne crissement dans les jeux vidéo, t'sais, comme, c'est ma vie, là, je suis tout le temps là-dedans, tout le temps. Même chez nous, je game. Moi, le gaming, c'est que ça, là, c'est que ça. Puis à un moment donné, quand je me suis mis à triper là-dessus en 2010, puis à me rendre compte, oh, gaming, je pense que c'est ma passion, je pense que c'est ma vocation, je trippe là-dessus, puis tout. Puis là, je pensais tout le temps à ça, les cassettes, puis les affaires. Puis là, je me dis, mais je pense tellement tout le temps à ça, Chris, je suis fou, esti. Je pense que à ça. Puis maintenant, 15 ans plus tard, je pense encore pas mal tout le temps à ça, puis c'est dans tous mes projets, puis je me tanne pas, là. Pas du tout. Quand je vais en vacances, j'amène ma Switch, continue de gamer, ça me remplit de bonheur. C'est un peu là. T'as check. Montre-nous. Donc, Retromania. C'est un jeu de lutte, c'est le rétro, là, vraiment, là, dans le temps du... même la Super NES, là, tu sais... C'est un nouveau jeu, ça, qui reprend un peu le WrestleFest ou Super WrestleMania. Là. C'est du Frozen. Ah, ouais, waouh, je veux jouer à ça. Ça a l'air pas pire, hein? Ah, ça se joue sur l'arcade, ça? On a vu un gars qui s'entraînait, genre, sais pas si tu peux trainer tes gars, puis... Okay. Oh, sûrement que tu peux le mettre sur ton arcade. Là. C'est intéressant au bout. Je vais regarder ça. Puis si c'est intéressant, je le critiquerai. Je reviens là-dessus. Là. Bon, ben excellent. Wow. On apprend des choses. Sébastien Trottier, selon vous, qu'est-ce qui serait cool d'ajouter dans la boutique de Retro MTL? Ben là, on a ajouté un GF. C'est un nouveau programmeur. On a ajouté un architecte programmeur. C'est parfait. Mais dans la boutique elle-même, je dirais que j'aimerais bien qu'on développe nos propres produits. J'ai bien des idées par rapport à ça, dont une idée de génie. Okay. J'attends là t'es là, tu vas nous aider là, comme ça on va se libérer. Vous dégager de ça. Ouais. Puis là ça va me dégager un peu, puis on va pouvoir Martine, puis là je vais pouvoir mettre à exécution ce plan machiavélique qui va requérir de l'argent, mais aussi puis des recherches puis tout ça. Puis c'est une idée de produit. Donc, c'est un produit que j'aimerais qu'on déploie, puis j'ai beaucoup ça en tête, puis j'y crois, puis je pense que j'ai réussi à convaincre les autres que ça pourrait être intéressant. Fait que, voilà. Simon Dubois, étant propriétaire d'une boutique de jeux vidéo, est-ce qu'il y a des consoles qui vendent plus que ce que tu aurais pensé? As-tu eu des surprises dans les habitudes de consommation de tes clients? Bon podcast. Y'a-tu des grosses ventes de WonderSwan? Ben, WonderSwan, quand on a y vendre, là, mais ben on a une là, présentement, Gundam, là, édition spéciale, mais elle est très chère. Là, fait que je comprends qu'elle vend pas. Mais pour vrai, c'est comme tout... Moi, je suis surpris de voir que tout vend. Tout vend. Tout le temps. Puis bon, là, les PS4, c'est un peu plus tranquille ces temps-ci. Les Wii, ça s'accumule plus qu'on en vend, mais on en vend tout le temps. Les Xbox OG, ça vend, ça? Ah, à côté, c'est... man. À côté. Ah, ouais. On n'arrive pas à... Dès qu'on a, ils vendent tout de suite. J'aurais jamais cru ça, tu sais, en ouvrant... Tu sais, quand on ouvre, nous autres, c'était pour vendre des beaux jeux en bois. Ouais. Man, on vend des jeux de 360 de PS3 à côté. C'est du gros roulement, tu sais. Mais ça, c'est... On paye pas cher, on vend pas cher, ça roule. Mais des Xbox 360, on en vend tout le temps, là. On vend tout le temps. Tout vend. C'est fucking malade. Je te le jure. C'est Patrick Doyon, avant-dernière question. En réaction à la suppression de l'exemption des droits de douane de Minimi, bon, qu'est-ce qui arrive avec Retro MTL, l'impact des changements sur les finances de la business? On a tout répondu à ça précisément tantôt, cher Patrick. Mais donc, ça nous impacte pas parce qu'on n'a pas de vente aux États-Unis pratiquement. Alors, mange la merde! Qui mange la merde? On a coupé ça. Mange notre merde, c'est tabarnak! Dernière question de Pat Larrault, que je remercie, qui est devenu Patreon. Okay. On a eu des nouveaux Patreon des dernières semaines. Donc, c'est très, très, très apprécié. Soda Popinski, Piston Honda et Don Flamenco de Punch-Out dans un combat de lutte Steel Cage. Qu'est-ce qui gagne? Popinski me semble salaud, je mets un 5 sur lui pour ma part. Ouais. Tout un. Est-ce que tu te rappelles de tous ces personnages-là? Le Don Flamenco, je suis pas sûr, mais je pense que oui. Attends un peu. On va les mettre à l'écran. On avait dit Soda. Soda Popinski, Dans le fond, si tu tapes dans Google All Mike Tyson's All Punch-Out Characters, je vais prendre un... Ouais, fait image, puis on va sûrement avoir toutes les faces des vieux, là. Ouais, c'est qu'ils sont pas tous là-dedans, je pense. Ah non, ils sont là. Non, pas ça, là. Reviens. Ouais. Ben, ça, c'est les versions Wii. Vas-y avec ça. C'est un petit peu plus moderne que par pixel, là. Donc, Bon. Ben, Soda Popinski, c'est lui qui prend de la boisson. Et puis, hey, sort de là, man. On est pas... Ça, c'est de la merde. C'est pas ça qu'on cherche. Va dans... Attends, les avant en haut, là. On va les mettre là, on va cliquer par un, là. Soda Popinski est là. Ouais, bon, ça c'est Soda Popinski. C'est un buveux de boisson. Et puis, c'est vrai qu'il a de l'air salaud. Et puis, sûrement que la boisson l'empêche de sentir le mal. Alors, il y a une message blanche ici. Ouais, hein, il est comme. Ouais, ça c'est du fan art, là. Ah ouais. Mais ouais, ça c'est Soda Popinski. Le deuxième c'est Piston Honda. Il est direct là. Piston Honda. Donc, c'est l'espèce de japonais, là, dont il était le troisième personnage au NES, et puis là, il poivrait avec son attaque bing-bang, bing-bang. C'était vraiment dur à retenir. Ouais, ouais. Fait que un bon contender, en effet. Puis Don Flamenco, lui, il était comme maigret un peu, là. Il dansait. Je pense qu'il était peut-être espagnol. Ça s'écrit... Il était là, je l'ai ici. Ouais, Flamenco. Il y a une rose dans la bouche. Exact. Bon, puis là, il est comme vieux. La version NES, man, il a l'air d'être si vieux. Là, c'est vrai, hein? C'est vraiment drôle. Ils l'ont repimpé plus jeune quand même pour la version Wii, puis ils ont bien fait. Fait que non, moi, je pense que lui, il se ferait péter, là. Ça serait entre Piston puis Soda Popinski, puis je suis d'accord que Soda, il ferait... Il y aurait un trick, là. Il pèterait une bouteille sur la tête pendant que l'arbitre ne regarde pas. En même temps, ouais, il serait dirty, mais Piston, il serait très technique, je pense. Ouais. Très rapide. Ouais, ouais, ouais, absolument. Lui, rien, là. Non, lui, même son move, là, c'est un peu de la marde, là. Ouais. Fait que, non. Il se ferait péter. Alors, notre 5 piastres va aussi sur Don Flamenco. Non, sur Soda. Sur Soda Popinski. Soda. Et Soda. Fait que, that's it pour les questions, mon GF. On a passé à travers. On a toutes. Voilà, hey. On va aller comme ça, ici. Bon, ben, c'est un gros spectacle, il faut se le dire. Ouais. On pensait pas avoir autant de contenu. On a même mangé toutes les Doritos, puis on a bu 4 bières. Ouais, voilà. Non, ben, on va dormir. On est capable. On va dormir rond. Oui, rond, exactement. On va aller penser au AI puis à toutes nos affaires de base de données. Là, ah, ouais, absolument. Et puis là, juste de boire 2 bières de même, ça me donne le goût d'en boire 10. On continue. Ouais, je partirais sa brosse drette là, mon gars. C'est Frank qui dit mon bout de bref, c'est quand vous avez parlé du film des ados qui trouve un homme des cavernes dans un glacier. Je veux voir ce film-là. Hey, t'es pas au courant de ce film-là. Donc, tu es jeune. Donc, tu es très jeune. Allez, va voir ça. Puis, si tu vois ce film-là, je te recommande aussi Son in Law. Donc, Le Gendre en français. Ah oui, oui, oui, oui. Avec Pauly Shore, ouais, ouais. Qui est un des acteurs là-dedans. Et puis, Pauly Shore, il y a une streak à l'époque. La streak, 3-4 films-là. 3-4 bons films d'humour, puis ça a été pas mal ça. Puis, Biodome. Ouais, Biodome. Ah, Biodome, oui. L'homme d'Antino, c'est avec aussi Sean Astin. Ouais, qui est ouais, l'autre, c'est là, qui fait l'autre, ouais. Ouais, et Brendan Fraser. Brendan Fraser, en fait, qui était tellement comme le sexe symbole à l'époque. Là. Mais ouais, Pauly Shore, Le Gendre, allez voir ça. Ouais, ça reste un film d'ado, une petite fille qui vit sur une ferme, ben, une jeune fille là, qui vit sur une ferme, puis là, qui s'en va à l'université. Elle quitte la ferme pour aller en ville, à LA, ouais, sur ouais. Le campus. Puis, man, quand c'était là, là, puis là, moi, je regardais ce qui se passait sur le campus. Je suis comme, wow, man, je veux vivre la ville. Puis là, elle se fait couper les cheveux, elle se fait bleacher, elle devient cool. Puis là, quand elle retourne chez elle, grâce à Pauly Shore, Pauly Shore rend cette fille-là cool. Cool, ouais. Puis là, elle l'amène chez eux. Là, c'est l'inverse. Ça ferme, ouais. Tu sais. Puis là, il vit une affaire de ferme. En tout cas, c'est Chris et hot. Fait que voilà. Major Pain, sinon... Major Pain, j'ai un flash. Ouais. On dit dans le chat, grand fan de Tirelire Combien des compagnies ici. Bon, ouais, c'est cool. Ah ouais, écoute, c'est des bons films. Merci, collègue joueur, pour les bons mots. Merci à tout le monde dans le chat. Oui, toujours, toujours plaisir un plaisir. De vous voir. Tout le temps le fun de voir des nouvelles personnes qui parlent pour la première fois. Alors, merci beaucoup, collègue joueur. On espère que tu as une belle collection de joueurs. De joueurs. Merci aux nouveaux Patreons qui se sont joints. Très généreux, tout le monde. Sachez que c'est grandement apprécié. Même un de mes amis d'enfance de Saint-Joseph-de-Beauce, avec qui j'ai joué au hockey pendant des années et des années, est apparu grâce au game chasing que j'avais fait. Puis là, il a vu que, bon, de fil en aiguille, il s'est rendu jusqu'au show puis il a donné un argent à Patreon. Fait que c'est très apprécié. Donc, merci pour la bouffe. Les bières. Merci au Patreon. Et puis, continuez de nous suivre. Ouais. Donc, on se revoit dans 2 semaines. Dans 2 semaines. Bye, okay. Tout le monde. Salut.